Ça n'a pas fonctionné. Bonsoir à toutes et à tous, ça fonctionne. Merveilleux, bonsoir, soyez les bienvenus dans Grand Prix. Ravi de vous retrouver avec nous, hein. On y est pour cette dernière émission de l'année. Vous voyez qu'on s'est, quand même tous donné le mot et on ne s'est pas concerté. C'était pas du tout, il n'y a pas eu un dress code Noël, quoi que ce soit, absolument pas. Vous commencez à nous connaître, hein, bien sûr, loin de nous toutes ces idées. J'espère que vous allez bien. On va faire donc le bilan de cette saison 2022 de Formula. On va peut-être remarquer, c'est un petit peu l'émission maudite parce que elle devait être là la semaine dernière, mais ce maudit Covid, hein, qui nous a encore interdit de faire des choses. Et là, rassurez-vous, puisque voilà, vous connaissez l'équipe d'Axel Auto, c'est une grande famille avant tout. Je leur ai donc annoncé dimanche et hier d'ailleurs que j'avais le Covid et que j'étais complètement souffrant. Et donc, me voici. Vous en tirez les conclusions qui s'imposent, bien évidemment. Tant vous dire que si à un moment donné, vous me voyez décliner, c'est normal. Hein, y a pas de problème. Du coup, bah, on voulait quand même vous la faire cette dernière année. Cette dernière émission de l'année. Dernière année, ouais. Moi, j'ai prévu que 2023 n'existera pas. Moi, je bascule directement en 2024. Vous vous démerdez. Mais moi, je crois que petite de Verstappen, je ne peux pas. Car vous vous doutez, évidemment, hein, vous qui savez, évidemment, Nex et Auto sont des anti-Verstappen notoires. Donc, bien sûr, hein, on va revenir avec nos tops et nos flops. Outre le titre de Max Verstappen, bien évidemment, hein, très gros flop de la soirée. Non, rassurez-vous, c'est absolument... absolument faux. Mais on va quand même bien voir un petit peu ce que nos amis ont pensé de cette saison 2022 de Formule 1. On vous demandera aussi un petit peu votre avis dans le chat. Bien évidemment. Alex, comment ça va? Ça va très bien. Ravi de pouvoir faire le bilan de cette année. C'était une année riche, une année qui était paradoxalement très chargée en course et qui pourtant est passée très très vite. Donc on se dit que les années prochaines avec 24 puis 30 Grands Prix seront encore plus rapides mais aussi plus longues à débriefer. Ça va être merveilleux ça quand même d'ailleurs. Je rappelle que l'an prochain, on devra quand même à 6 reprises faire des émissions sprint qui seront là avant. Enfin, voilà, ça va être terrible. Il est merveilleux ce bonnet, Franck. Je tiens à dire que, encore une fois, on sait que vous avez dit que j'écoute le podcast, mais il a un bonnet qui clignote. Donc je dis bravo, Franck, et bonsoir, Franck. Et bonsoir à tous. Bah, écoutez, très ravi de vous retrouver pour cette dernière de l'année, pour débriefer l'année, on va dire. On va pas tout repasser parce que. Au mieux, vous retapiez les podcasts de la saison en cours. Mais voilà, nos tops, nos flops, voilà, de la rédac. Évidemment, anti-Verstappen primaire, vous nous connaissez évidemment là-dessus. Donc, on ne va pas revenir là-dessus, hein, évidemment. On sera directement par le deuxième championnat. voilà, donc on a aussi envie d'interagir avec vous dans le chat. Donc, j'espère que vous nous poserez des questions. Donnez-nous aussi vos tops, vos flops, et puis on réagira aussi là-dessus. Et puis, voilà, ce fut un plaisir d'être avec vous cette année. J'ai grand espoir que l'année prochaine soit encore meilleure. Voilà, on a fait une super année. On espère en faire encore de meilleures avec vous. C'est ça. On a vous là. Bonjour, on a une superbe porte de sourire. C'est très beau. Bien sûr, ouais, c'est important. Manu qui est aussi avec nous. Je tiens à préciser que le breton nous dit le code vestimentaire de Manuel est le même toute l'année. Aucun événement. Ça va, on est pas mal. Manu qui est avec nous, comment s'appelle le renne? J'ai trouvé cette bague. J'ai marqué dans le chat que c'est pas Ensarald. Oh merde. C'est Ensarald, renne zen évidemment. Voilà. Oh. C'est un ah oui, non, mais... de soleil, ça marche très bien. Voilà, bah, écoute, bonsoir à tous. Ça fait plaisir de se retrouver une dernière fois pour cette année, effectivement, qui a été riche en Grand Prix et en Grand Prix l'émission, du coup. C'est vrai qu'on a un beau bilan à faire de tout ça. Et puis, avant de passer à 2023, qui s'annonce effectivement probablement un peu plus animé. Mais voilà, on a déjà eu une belle saison 2022 pour un début de réglementation. C'était pas gagné d'avance, donc c'était bien. C'est ça, parce que les gens retiendront de cette saison qu'elle fut abominable. Et en fait, non, les Grands Prix étaient cool. La saison était, voilà, était pliée, mais les Grands Prix étaient assez sympathiques dans l'ensemble. Et puis, Paul, visiblement, voilà, qui n'a pas pu acheter... de pull de Noël, en même temps là où tu es Paul, il fait actuellement 24 degrés, donc forcément on n'est pas trop à temps à mettre un pull de Noël. Comment ça va? T'es pas loin de la vérité, il fait 19. Alors bonsoir à tous, ravi de vous retrouver, et je vous promets pas effectivement de garder ce bonnet toute la soirée parce que je meurs déjà de chaud, avec en plus le casque sur la tête, je vous raconte pas le combo que ça fait. Et voilà, j'espère que vous aurez remarqué, pas pour ceux qui nous écoutent en podcast, mais pour les autres, que j'ai adapté la décoration, et quand même un petit hommage à Juan Pablo Montoya pour ceux qui auront la référence. Donc voilà, en tout cas, ravi de débriefer l'année avec vous pour cette dernière. Et c'est totalement validé. Et avant que le chat, avec ses yeux de lynx, évidemment, commence à nous le dire, oui, je bois actuellement de la grenadine dans un mug en forme de chat avec des paillettes. Oui, bon, bah, on a fait ce qu'on a pu avec ce qu'on a. Voilà, écoutez, ce sont les aléas du direct. Hein, bon, on fait compliqué. Est-ce qu'un renne plus rapide que les autres a mal à la tête à tirer le traîneau, car c'est le MIG renne. Alors, l'année qui se termine, c'est bien hein, pour beaucoup de gens. Je pense que ça va faire bien une bonne pause hivernale. Rassure-toi, Xoad, il reste encore deux Racing Café, donc il va falloir rester bien en forme jusqu'à la fin de l'année. Parce que, rassurez-vous, hein, puisque le Racing Café sera là ce jeudi, le jeudi d'après, et puis il prendra une pause jusqu'au premier jeudi de l'année 2023, donc autant vous dire qu'à un moment donné, s'il ose venir me demander des congés, je trouve quand même non droit. Hein. Je pense que là... un petit peu audacieux de venir me demander ça. Bon, messieurs, commençons donc cette dernière de la saison avec Alex. Du coup, alors, on est quand même gentil. On va débuter par les tops. Comme ça, on sait que ce qui intéresse les gens, ce sont les flops. Donc, on fera ça en fin d'émission, bien entendu, pour que vous soyez là au maximum, bien sûr. Mathieu nous demande si Manu, ton pull n'est pas le McLaren. Et oui, aussi, tout à fait. Célèbre reine écossais. C'est valide. Nitram qui demande est-ce que c'est ce soir le débat Verstappen pour ou contre ? Non, puisque nous, on est tous contre. Il n'y a pas de débat. C'est Verstappen pour ou contre ? Contre. Voilà, bon, bah, voilà. Je peux pas demander pourquoi, donc voilà. C'est facile. Alex, du coup, t'es top de cette saison. Alors, c'est pas sympa de commencer par moi, parce que je vais être obligé de commencer par Verstappen en top, parce qu'il a battu le record de victoire en une année, hein, pas en pourcentage, mais en tout cas en valeur absolue, c'est 15 victoires emportées sur les 22 et une extrême domination sur Sergio Pérez et finalement sur tout le reste du plateau tout au long de l'année. Une domination, en tout cas d'ailleurs le dimanche, pas vraiment le samedi, mais vraiment il a été impérial en course, que ce soit même en règle de qualification et particulièrement en règle de course, sans commettre une seule erreur. Il aura connu très très peu de temps faible et son point faible le plus saillant aura été le Grand Prix de Singapour, mais globalement c'était vraiment une saison, autant l'année dernière fut celle d'un combat particulièrement rude contre Lewis Hamilton avec des moments d'emportement, autant cette année a été celle de la domination et de la maturité. On a vu un Verstappen qu'on ne connaissait pas forcément, en tout cas très serein, sûr de sa force, de sa supériorité à la fois sur Pérez et la supériorité de sa voiture. Donc c'est tout à fait, on ne peut que commencer par lui, par une saison de domination qui aura donc contrasté avec la saison dernière qui fut vraiment une saison à suspense. Donc on reconnaît très volontiers l'immense domination de Verstappen. Je crois que lorsqu'on a noté les pilotes avec Next Gen, c'est à lui que j'ai mis la meilleure note. Ça aurait été le champion, tout simplement, le dominateur. Tu spoil. Donc tout simplement, bravo à lui. Ah, c'est vrai que j'ai spoilé, oui. Je ne comprends pas ma gueule. Oui, bah oui, si je remets pas le micro aussi. Oh là là, bah écoutez, puisque c'est comme ça, je vais laisser le micro allumé tout le temps. M'entendrez tousser, voilà, démerderez. Vous couperez ça mentalement. Non, mais Alex, les gens ne diront pas l'article juste parce que on sait que c'est toi qui donnes la meilleure note. C'est un peu honteux. À un moment donné, il faut savoir qu'il attend. Bien sûr. Tchalem nous dit mature quand tout va bien pour lui, parce que quand son équipe fait des erreurs ou autre, ça redevient un petit trois lettres. Quand même. Je ne dis pas certains mots. On se donne chacun un top, du coup, à la suite, avant de faire la série des tops. Voilà, commençons le 1 à la suite, effectivement, Franck. Alors, moi, je voulais juste commencer par... j'ai la parole, donc je brille. Il brille de mille feux. Attends, parce que ça mérite quand même. Voilà, c'est un moment donné, il faut savoir quand même mettre en avant les bonnes choses. Super. Non, ça va être pratique ce truc. Je crois que je vais le garder pour l'année prochaine. Chaque fois que je veux la parole, je l'allume. C'est pas mal. C'est une bonne idée. Ça permet de. C'est beaucoup plus visuel. J'aime bien. J'aime beaucoup. De lever la main. non, avant de plus soyez le top d'Alex, je voulais juste faire un top personnel pour la rédaction nextgenauto.com pour mes chers camarades qui sont là, pour Michael aussi, effectivement, qui nous a accompagné pendant 22 week-ends. C'est ça, 22 week-ends cette année ? C'est ça. 22 week-ends, voilà. C'est... donc voilà, moi je voulais juste leur faire un grand bravo parce que voilà, c'est une saison encore qui a été maîtrisée de main de maître par tous nos chers et aimés rédacteurs. J'espère que vous avez adoré lire leurs articles, que vous ne m'avez pas trop pourri pour mes fautes d'orthographe de mon côté, même si je me soigne, comme on dit. Donc bah voilà, un grand merci à Manu, Alex, Paul, Michael pour cette saison ensemble, parce que franchement c'était encore top. C'est toujours un plaisir de travailler. C'est beaucoup de boulot, c'est beaucoup d'investissement, c'est beaucoup de temps passé à surveiller, voilà, ne rien louper, parce que on nous pardonne pas quand on loupe des choses. Donc voilà, je pense qu'on n'est pas passé au travers cette année encore une fois. Rebelote en 2023 et que NextGen continue à grandir comme cette année. Voilà. Donc merci à vous. Merci, Franck, c'est très gentil. donc c'était mon top perso. Après, effectivement, pour rebondir sur Cadillac, sur le premier top, alors je vais faire le top Verstappen et le tête de con Max. Voilà, parce que pour rester sur le sujet Max Verstappen, mais voilà, il n'y a vraiment rien à redire sur la prestation de Max cette année. Son petit, voilà, il reste quand même le petit, il continue comme à voir rouge quand il voit Hamilton dans ses rétros ou pas loin. Donc ça, c'est vrai qu'il y a comme une différence de traitement, on voit entre certains pilotes comme Leclerc ou Sainz, et quand il se retrouve avec Hamilton en piste, c'est assez flagrant. J'espère juste qu'il saura un petit peu gagner un peu en maturité là-dessus sur les prochaines saisons, parce que je pense qu'on va avoir droit à une belle bataille avec Mercedes et j'espère Ferrari aussi l'année prochaine. Donc voilà, s'il pouvait effectivement juste avoir ce niveau-là sur toutes les saisons avec tous les adversaires, franchement, il deviendra vraiment un pilote très respecté, très respectable. Je sais qu'il n'a pas encore énormément de fans en France, hein, ça se voit, on le voit nous-mêmes sur les articles qu'on rédige, sur la qualité des audiences et des lectures sur les articles. Quand Verstappen gagne, ça fait toujours moins vendre qu'un Hamilton ou qu'un Ferrari, c'est factuel, en tout cas c'est en France, c'est comme ça. Mais c'est un pilote qui mérite en tout cas d'être salué par son talent, sa prestation, ce qu'il a réussi à faire cette année. Il a été rapide très souvent dès le premier tour en libre 1, il s'est très rarement planté, je crois que son flop personnel, hormis problème de fiabilité, c'est Singapour, où franchement sur ce week-end-là il est passé un peu à côté. Donc voilà, juste bravo à Max, et puis on salue la prestation. Il passe à côté d'un week-end sur 22. Oui, incroyable, ça va, j'ai envie de dire. c'est honteux. Hamilton n'aurait pas fait ça. C'est une blague. Hop. Je m'éteins. Ça y est, il s'éteint. Comme a dit Mathieu dans le chat, Franck, merci pour ce top très éclairé. C'était, voilà, merci. C'était un top argumenté et éclairé, donc merci beaucoup. Vas-y, Alex. Je me suis pas concentré sur ce qu'il a dit, j'ai regardé que les lumières. Ah oui, là, il peut avoir. Ah non, mais là, il peut avoir parlé d'une recette de soupe, c'est pareil, hein, moi, de gros. Mais je n'ai aucun doute quant au fait que c'était judicieux. Cameron de Briefer, qu'on salue toujours, hein, bien sûr, pour ce pseudo éclairé, qui nous dit, est-ce que c'était aussi le cas pour 2021, le fait que Verstappen fasse moins vendre, Franck, en termes de victoire et tout ça? C'était différent en 2021, quand même. Il y avait la dynamique de la bataille, je pense. Ah oui, mais si vous redonnez la parole avant que j'ai fini de me moucher aussi, ça va plus aller. À un moment donné, cette émission n'a ni queue ni tête. Je sais pas après exactement, je me rappelle plus trop les audiences, Franck, mais je crois que c'était quand même beaucoup plus axé sur les batailles, et du coup c'était forcément sur, enfin, les victoires de Verstappen arrivaient après des batailles avec Hamilton, donc de toute façon ça faisait vendre quoi qu'il arrive. Oui. T'avais des contacts entre les deux qu'on aussi à mon après avis, si on parle juste des audiences sur cette année. NextGen va faire un poil moins bien pour la première fois de son histoire que l'année dernière, mais l'année dernière on a eu une saison tellement ahurissante, et on partait pour faire beaucoup mieux, hein. En tout début de saison, les premiers Grands Prix de 2022 étaient bien plus porteurs en termes d'audience que ceux de 2021, donc on était ravis, voilà, de revoir Ferrari effectivement jouer la lutte pour les victoires et pour le titre, surtout parce qu'on croyait vraiment au titre à ce moment-là. Et puis franchement, deuxième partie de saison, je crois que Spa ça a foutu un gros coup. Ça s'est vraiment écroulé. Et pour avoir discuté avec Manu aussi avec pas mal de nos confrères qui gèrent d'autres sites amis, tout le monde a ressenti effectivement une grosse baisse d'intérêt sur la fin de saison. Voilà, on n'a pas eu évidemment le final d'Abu Dhabi 2021 l'année dernière, qui était la mi-décembre en plus. Donc, on était encore sur de l'actu chaude à commenter des réactions à gauche et à droite jusqu'à Noël, voire même après. Voilà, alors que là, cette année, voilà, 20 novembre, c'était plié, il a eu la Coupe du Monde derrière, il n'y a pas eu grande polémique, donc voilà, ça reste une belle saison avec de belles courses, ça ne sera pas une grande saison, effectivement, dans l'histoire des duels pour le titre. Rotter qui nous demande, votre audience en baisse, c'est juste la conséquence de la disparition du forum, non? Pas sûr. Non, ça n'a pas joué Disparition. Non, du tout. Pas du tout, du tout. Ça n'a même. Déjà, nous, ça nous a permis d'avoir du temps libre pour faire autre chose. Surtout. Meilleure santé mentale aussi. Meilleure santé mentale pour pouvoir écrire un petit peu plus. Mais non, franchement, ça n'a aucun impact. Tous ceux qui nous ont prédit, effectivement, qu'on allait se prendre un gadin parce qu'on avait viré les commentaires discus. Franchement, heureusement qu'on compte pas là-dessus pour faire de l'audience. Et voilà, c'est des articles, c'est des dizaines de milliers de lus, quoi, pour les même des centaines de milliers pour les plus lus. Donc c'est pas les 50-60 commentaires qu'il y a en dessous d'un article pour en moyenne qui changent grand chose à l'audience du site, quoi. C'est moi, je trouve quand même que c'est le fait de ne pas faire de Gary Pit Babe. Enfin, après, voilà, si vous avez besoin d'idées, n'hésitez pas, mais moi je pense qu'il faut un petit peu vous recentrer, monsieur, quand même, s'il vous plaît, il faut savoir. On avait prévu une galerie avec Manu d'ailleurs, c'est les pit babes de la grille se rendent à Gland dans la nouvelle maison de Schumacher. Moi je suis désolé, mais à un moment donné, bon voilà, je suis. On aligne les mots-clés. Je suis un lecteur, voilà, mais bon, alors oui, les tops, les flops du week-end, machin, d'accord. Bon, enfin, si vous pouviez me faire un bon article de classement à top 20. Des plus jolies filles du paddock à chaque Grand Prix, c'est beaucoup plus porteur. Après, encore une fois, vous en faites ce que vous voulez, bien sûr, mais voilà. Mais le pire, c'est que tu as raison. C'est ça qui est dramatique. Parce que tu feras l'audience beauf qui viendra regarder ça en premier degré, genre « Ah ouais, c'est cool !» Ils parlent de ce que... Et tu auras l'audience, des gens qui disent « Mais franchement, quelle indignité. Ils n'ont pas honte de faire ça. » C'est pour ça qu'on préfère ne pas le faire. Voilà. C'est quand même plus simple. Il semblerait qu'il y ait une éthique très, très étrange. Mais bon, après, voilà, chacun fait ce qu'il veut, hein, bien sûr. Mais rassurez-vous, nous aurons toujours le Racing Café pour faire des choses. Bah, tu sais que depuis que Liberty Media a interdit les pit babes sur les grilles, il y a plusieurs sites de Formule 1 qui ont fermé la porte. Hein. Les revenus ont été divisés par 3, les licenciements ont plus. Oh là là, il y a tout un écosystème qui s'est effondré. Quand tu avais 4 journalistes qui étaient spécialisés dessus aussi, en même temps, ça fait des vues, c'est plus compliqué. Quoi. Qu'est-ce que tu appelles dessus, toi? chacun le voit comme il veut, il n'y a pas de souci. Enfin, quand on te demande soudainement de devoir analyser les courbes de la nouvelle Mercedes, c'est plus compliqué pour certains. C'est tout ce que j'aurais à dire. On dit que le live arrive plus que le Titanic après avoir rencontré un iceberg. Vous avez juste une séance de brainstorming en direct et vous vous en plaignez. Moi, je trouve que c'est insupportable. Vous étiez mon top, le chat, mais vous basculez en flop quasiment. J'en suis très déçu. C'est terrible. En plus, le Titanic, il n'a pas dérivé, il a coulé directement. Oui, au moins, c'était oui. Pas de souci là. Oui. Mais sommes-nous en train de couler 8-4 viewers maintenant sur Twitch, effectivement. L'autre sens, ça a coulé, c'est terrible. Manu, ton top. Eh ben moi, ce sera... Évidemment, il y a Verstappen, je vais pas le... Enfin, oui, si c'est vraiment le premier, c'est Verstappen, forcément. Parce que, saison quasi parfaite, et de toute façon, j'ai pas grand-chose à rajouter sur ce que Alex et Franck ont dit dessus. C'est vrai que ça a été la saison hallucinante. Il a fait très très bien en première partie de saison, et il a fait encore mieux en deuxième partie de saison. Et effectivement, tu parlais de Spa comme marqueur de changement de physionomie de la saison, et c'est vrai qu'à Spa, il part 14e, il gagne en tournant autour de tout le monde, y compris de Pérez, donc de toute façon, de là, la saison était jouée, et plus personne n'avait l'espoir de le battre. Donc c'était, après le reste, il a déroulé, et ça a été un carnage, donc... Effectivement, c'est une saison comme on en voit une fois par décennie maximum. Et c'est vrai que c'est ultra impressionnant. Après, moi, j'avais envie de mettre un top vraiment d'honneur en fait, à Lando Norris, qui, je trouve, a tenu son équipe à bout de bras pendant toute l'année. Et en fait, je pense qu'on ne se rend pas trop compte de la difficulté pour une équipe de milieu de peloton en fait, de la tenir comme ça, comme il l'a fait. Parce que quand c'est une équipe comme Verstappen ou comme Leclerc, même si les équipiers n'étaient pas là, c'est vrai que c'est pas tout le temps là, c'est une équipe de pointe, donc forcément il y a un côté assez facile à dérouler, entre guillemets, plus facile en tout cas, mais quand c'est une équipe de milieu de peloton, c'est très compliqué de tenir le cap, et lui il l'a fait tout seul, puisque chez Alpine par exemple ils étaient deux quasiment toute la saison, et du coup ça a été quand même le plus facile pour eux, donc voilà, c'est impressionnant de sa part d'avoir lutté quasiment tout seul jusqu'à la fin de saison avec Alpine pour la 4e place du championnat. C'est-à-dire qu'il a fait, une Pierre Gasly mais avec Ricciardo dans la voiture, quoi. C'est j'imagine qu'on parlera derrière Ricciardo tout à l'heure. Je ne peux pas ne pas l'imaginer, mais c'est vrai que il a quand même fait une très très belle saison. Si je peux rajouter quelque chose, que Norris a inscrit 77% des points de McLaren. C'est le plus haut pourcentage sur la grille, tout simplement. si on accepte Bottas et ses 90% de points inscrits pour Alfa Romeo. Donc, il n'y a pas eu de pourcentage aussi haut. Un pilote n'avait jamais autant pesé dans une équipe cette année. Hein. Par exemple, chez Alpine, c'est Ocon a écrit 53% des points, 47% pour Alonso. Voilà, Norris, c'est 77%. Alors, on vous laisse imaginer si Ricardo avait marqué autant de points que Norris. Voilà, c'est l'éternelle question. C'est est-ce que Norris était exceptionnel ou la McLaren qui était nulle la McLaren qui était quand même une bonne voiture et juste Ricardo qui était nul. Voilà, ça, c'est une question à laquelle on n'aura peut-être jamais forcément de réponse. Après, Alex, tu parles d'Alonso, mais DLS67 a tout à fait raison dans le chat. Il met d'ailleurs Alonso au top, parce que si on fait le calcul de tous les points perdus, il serait champion du monde. Et c'est tout à fait vrai. Parce que certes, il marque moins de 50% des points d'Alpine, mais voilà, points perdus, il est à 450, et puis voilà, après... On est la seule voiture qui a des problèmes, donc c'est vrai que c'est impressionnant. Mais de toute la grille, moi, c'est ça qui me rend fou. Bien sûr, bien sûr. Je n'ai pas vu une seule autre voiture avoir une casse moteur. Peut-être parce que dès que la 14 abandonnait, je ne regardais plus le Grand Prix. Mais ça n'est rien à voir. Il faut arrêter à un moment donné de toujours me... C'est parce qu'il n'est pas britannique, alors qu'Ocon, il est... normand, quoi. C'est juste... Ocon. C'est ça. Il est presque britannique. Ça, je suis déçu que ce soit 2021, ça. Tu vois, parce que vraiment, la phrase du... Ah oui, mais... c'est parce que je ne suis pas britannique. Si j'étais britannique, on ne me pénaliserait pas. Oui, mais du coup, on ne vous a pas pénalisé, Fernando. Oui, mais c'était pour montrer que... Hein, oh là là. Oui, mais vous n'êtes toujours pas britannique. Oui, non, mais d'accord, mais... Quand même, si ça avait été Norris, j'aurais été encore moins pénalisé. C'est toujours merveilleux, ce Fernando. Paul. Tout primel, top. Je fais des problèmes en espagnol. Primel, top, Alors, écoute, pour te dire la vérité, j'avais préparé un premier top flop qui, je pense, aurait été... par beaucoup d'endroits similaires à celui de mes collègues. Du coup, j'en ai préparé un autre, peut-être un peu plus global, sur mes impressions de la saison. Et le premier top que je voulais relever, c'était quand même la qualité globale du plateau de la Formule 1 actuelle, qui, je trouve, est vraiment excellent. Ça fait, pour ma part, presque 20 ans maintenant que je suis la Formule 1. Et j'ai pas le souvenir d'avoir eu un plateau aussi relevé, ou en tout cas pas souvent. Et je suis très optimiste que ce sera encore mieux en 2023. On a, par exemple, eu très peu de carambolage au premier tour cette année. On a eu très peu de grosses erreurs ou de fautes grossières de la part des pilotes. On a eu, à l'exception de peut-être deux ou trois pilotes, on peut penser à Latifi, on peut penser à Ricciardo, qui ont été vraiment en difficulté. On a eu ensuite, bien sûr, des Tsunoda ou des Schumacher qui ont été moyens par séquence, mais qui ont quand même eu des petits pics. J'ai l'impression, pour la première fois depuis longtemps, qu'on n'a pas eu un ou deux pilotes qui étaient vraiment très en dessous, à part Latifi encore une fois. Mais je me dis, c'est quand même très bon signe, et je pense que c'est aussi dû à la bonne santé financière des équipes de la Formule actuelle, qui ont moins besoin des pilotes payants que par le passé. Et c'est vraiment quelque chose que je voulais souligner, parce que je pense que les 20 pilotes du plateau cette année méritaient tous d'être là cette année. Après, il y en a qui ne méritaient pas d'être là l'année prochaine par rapport à leurs résultats. Mais en début de saison, j'avais la sensation qu'on avait 20 pilotes qui étaient plus ou moins méritants, et qu'il n'y avait pas de scandale dans les équipes. Et c'est quelque chose que je voulais souligner. Il y a encore quelques années, on avait des pilotes qui n'avaient rien à faire là, qui étaient à 2, 3, 4 secondes de la performance sur certains Grands Prix. Ce n'était quand même pas le cas cette année. Et du coup, ça, c'est vrai que ça a rendu l'histoire encore plus difficile pour des Latifi. On avait Mazepin l'année dernière, qu'on avait tendance à chambrer un peu sur les cours. Cette année, ça a été Latifi. L'année prochaine, le niveau sera encore plus haut. Et c'est vraiment quelque chose dont je pense qu'il faut qu'on se réjouisse. Et c'est en grande partie dû au fait que les équipes aient moins besoin des sponsors des pilotes. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose que je voulais relever, parce que très, très bon plateau, et encore meilleur l'année prochaine, selon moi. Le chat est d'accord, on dit effectivement à Singapour, qualif sous la pluie, pas d'accident, pas de sortie. Monaco, ouais. Le Grand Prix de Monaco, moi, je suis désolé, mais vu les conditions aussi, c'était pas gagné. Il y a eu beaucoup de courses sous la pluie, et de toute façon, c'est vrai que c'est un truc, là, pour te rejoindre, c'est je pense que les Latifi et Stroll et tout ça, sur lesquels on tape un peu gratuitement aujourd'hui, en tout cas, on se prend un peu plaisir à taper, parce qu'on dit que c'est vraiment les moins bons, ça aurait été clairement des pilotes qui étaient, au début des années 90, ils étaient dans la première moitié du plateau ou au milieu du peloton, quoi. C'était vraiment le average pilote, et après, il y avait vraiment tous les pilotes payants qui étaient une catastrophe. Et là, aujourd'hui, on se retrouve avec des pilotes payants, et encore de moins en moins. L'an prochain, finalement, le seul qui sera vraiment pilote payant, ce sera Stroll, mais c'est pas vraiment pilote payant, il est là par son père. Mais après, c'est que des pilotes qui semblent méritants. Et effectivement, comme tu dis, au début de saison 2022, tous semblaient à peu près à leur place. Et je trouve qu'on va entamer 2023 avec la même optique, où finalement, il n'y a pas de pilote, où je me dis, c'est un scandale qui soit sur la grille. Donc, on a un peloton qui se tient en 2 secondes. Alors certes, la hiérarchie se resserre au niveau des équipes, mais 2 secondes, j'ai regardé un truc l'autre jour, en 1994, ça tenait à peu près 5-6 pilotes. le sixième était en moyenne à 2 secondes, 2 secondes 2 du poleman. Donc ça montre que la F1 se resserre. Pardon messieurs, je vois que Franck souhaiterait... Pardon Alex, je vois que Franck avait... Franck a réquisitionné la parole. Je suis confus. C'est juste son temps de parole était dépassé, c'est tout. Voilà. Ça va. Si tu pouvais investir dans un outil permettant de jouer de la musique, comme ça on ferait comme aux Oscars, tu vois. Bon, et puis voilà, ça serait très bien. Ça serait excellent. Mais pardon, sur les crashs, si on les a avec Gunther Steiner qui me dit quand même de souligner que Mick Schumacher s'est crashé de manière horrible. Oui, mais lui, il serait plus récent l'an prochain. Oui. Mick Schumacher était pas le seul pilote honteux sur la grille. Gunther Steiner... Il l'a payé. Ouais, voilà. Il l'a payé cher. Vas-y, Alex, pardon. Non, mais si on peut basculer sur un autre top un peu plus général, je pense qu'on peut aussi rendre hommage à la fois à l'efficacité de ce nouveau règlement aérodynamique qui a permis effectivement aux voitures de davantage se suivre en piste avec moins de surchauffe des pneus. Et c'est l'occasion pour moi aussi d'adresser un deuxième top à Pirelli, parce qu'ils ont été beaucoup brocardés par le passé, alors peut-être souvent à raison, mais cette année, avec des essais privés qui étaient particulièrement réduits, avec des exigences qui étaient élevées, ils devaient réduire la surchauffe et développer des 18 pouces, donc avec très peu d'essais privés, ils ont réussi à créer un pneu qui fonctionne beaucoup mieux. Alors, ils sont toujours critiqués sur les pneus pluie, mais c'est aussi en raison de ce manque d'essais. Alors voilà, c'est un peu la rançon du succès pour Pirelli, c'est que quand tout va bien, on n'en parle pas. Mais donc, je voudrais quand même ici en parler et souligner à quel point ils ont fait du très bon travail. Ils ont encore d'énormes défis qui les attendent avec l'interdiction à venir des couvertures chauffantes. Voilà, il y a peut-être plus à perdre finalement qu'à gagner en étant manufacturier unique de la Formule 1, parce qu'on remarque que votre travail, surtout quand vous le faites mal, et évidemment de manière très spectaculaire, hein, comme il y a en 2013 à Silverstone avec les délaminations de pneus. Mais donc, bravo à Pirelli parce qu'ils font un travail, j'ai trouvé cette année, remarquable dans des conditions difficiles. Ça, on s'attendait à des pneus en bois et finalement ils ont été hyper compétitifs en fait, ces pneus. Je marsouine sur ce que vient de dire Alex, effectivement, pour dire aussi que ce règlement était quand même bien maîtrisé par la plupart des équipes, parce que et par la FAM aussi, parce qu'ils ont quand même mis plusieurs années à le sortir. On se retrouve effectivement avec 10 équipes qui ne se retrouvent pas non plus à des secondes les unes des autres, ce qui peut arriver avec un nouveau règlement technique. Hein. On n'a pas eu non plus de grosses failles à la double diffuseur façon 2009. Donc, on a une base là pour jusqu'en 2025, et je pense que la base continuera ensuite en 2026, peut-être sous une autre forme, mais qui est quand même extrêmement prometteuse en termes de spectacle, en termes de rapprochement des forces en présence. Je veux dire, voilà, on est arrivé en début de saison, certes avec deux équipes un peu au-dessus du lot, mais pas non plus à des kilomètres devant, et qui en fait avait conservé un écart qui était à peu près le même ou légèrement moindre que celle des règlements des années passées. Avec la convergence, là en plus, tout le monde a appris, tout le monde a copié, tout le monde a vu ce qui fonctionne. Dès l'année prochaine, on va avoir des monoplaces qui seront maniées beaucoup, beaucoup plus proches. Et puis en plus, voilà, comme le règlement-ci des budgets plafonnés qui fonctionne bien, voilà, du moment qu'on passe pas trop de temps à la cantine, il y a moyen effectivement d'avoir un terrain de jeu assez égal pour tout le monde. Alors rappelons que les 145 millions de dollars, c'est pas les budgets exacts de toutes les équipes, et 145 millions, c'est vraiment que ce qui est dévolu à la technique, ce qui est compté par la FIA pour la construction des monoplaces, la conception, le développement. Après, il y a encore le salaire des pilotes, on peut se payer de meilleures choses marketing ou autre à côté, mais les 145 millions qui sont vraiment le cœur de fonctionnement d'une équipe, c'est un budget qui va être atteint par tout le monde l'année prochaine, quoi, y compris par As. Donc, Et Alpha. Et comme Manu le disait, je crois, ça, on a des équipes qui n'ont jamais eu une aussi bonne santé financière, qui sont hyper rentables. Oui. Et ça aussi, c'est un gros succès de la FOM, donc bravo. Ouais. Aucune équipe ne veut vendre son... Ou alors, c'était un pont d'or, même voilà, Sauber réclamait 650 millions à Andretti, je crois, c'était ça le chiffre qui circulait. Andretti, ils auraient dû payer. Ouais. Zach Brown disait que c'est un milliard maintenant. J'ai vu passer un truc comme quoi Alpine aurait valorisé son équipe à 800 millions, donc ça se tient, on est sur des équipes qui... Et je pense qu'un top team se valorise 1,2 milliard, 1,3 milliard aujourd'hui. Ouais, même Williams sera au plafond. Fait, quand je réponds dans le chat à Laurentin, c'est oui. Williams sera au plafond l'année prochaine. Ils y sont déjà depuis cette année. Oui, c'est vrai. Hamilton a mis des fonds et Hamilton a aussi très bien fait son travail. pour faire monter. Il y avait que cette année, on n'avait que As et Alpha qui n'étaient pas. As, il sera grâce à Monegra, mais en fait, le Alpha, il sera grâce à Audi qui va combler les trous pour avoir une équipe qui progresse déjà en vue de 2026. Vous croyez que Gunther Steiner, quand il a dû choisir entre Mick Schumacher et Kevin Magnussen pour le volant de l'an prochain, il a fait Amstram, Gram, Piqué, Piqué, Monegram ou pas du tout? C'est une question que j'ai, enfin, vous avez peut-être des infos. Bah en fait, je sais pas ce que. On peut en plus se dire que As peut se permettre de se passer de One and One. Alors, je sais pas si One and One restera sur la monoplace avec Nico Hülkenberg, qui est aussi allemand. Hein. Donc voilà, il ne change pas de nationalité de l'autre pilote. Mais si effectivement One and One s'en va, ça veut vraiment dire qu'en gros, ben, on est prêt aussi à se passer aussi de sponsor. Alors que As, c'était pas une équipe qui était du genre à se passer de sponsor il y a encore 12 mois. Quoi. Moins de 10 mois, parce qu'il y a Uralkali, le départ, ça a fait mal aussi, donc sur le plan comptable. Donc, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais Hülkenberg voyageait avec 10 millions par an de valises par Decra, donc j'imagine que si c'est toujours le cas, ça remplace One and One. Oui, il y a peut-être d'autres choses, effectivement, ouais, ou Samsung peut-être va arriver, je ne sais pas. Il y aura une photo de son gosse sur la voiture et tout. Gosse qui joue avec les tablettes et tout ça. Ah, ça va être terrible. Par contre, du coup, s'il n'y a plus One and One, comment vont-ils avoir leur site internet? C'est grande question. Est-ce que le site asf1team.com va encore exister? C'est une grande question. Bon, après, oneandone.fr, c'est 2 euros par mois. Hein. C'est pas très cher le site. Hein. On peut bien trouver un fan qui va le monter gratuitement pour l'équipe et puis ça fera bien. Quoi. Coup de dor, ça sera. Asf1.skyblog.com. Ça présage d'un âge d'or de la Formule 1, en tout cas, c'est clair. C'est, je pense qu'on y est déjà. Mais... Oui, il y a beaucoup de positifs à tirer de tout ça. Même s'il y a une domination au final de Red Bull, il y a tellement de choses qui sont mises en place là qui nous font tellement espérer pour l'année prochaine. Que, voilà, moi, je crois vraiment que l'année prochaine, ça va être peut-être du 2012 direct, quoi. C'est-à-dire que la dernière année de convergence de ces règlements-là, où on a eu, je ne sais combien, 6 ou 7 vainqueurs différents, je crois, sur le début de saison. Voilà, je pense que ça peut vraiment arriver au moins sur 3 ou 4 équipes l'année prochaine, quoi. Espérons. Voilà, c'est tout ce que tout le monde espère, en fait. Hein. Voilà, c'est que tous les fans espèrent. On est vraiment une bataille. Qui sera le passeur Maldonado? Ce que rappelait Vasseur, c'est que aussi, même si les équipes dépensent la même chose pour le fonctionnement, tout ce qu'elles ont dépensé par le passé en infrastructure, en soufflerie, en recrutement des meilleurs ingénieurs qui restent aussi, tout ça, c'est des différences qui continuent quand même de produire leurs effets, qui vont encore continuer de produire leurs effets pendant des années, et ne serait-ce aussi que les pilotes, qui sont aussi un facteur différentiel de performance et dont les budgets ne sont pas compris, dont les salaires ne sont pas compris dans les budgets plafonnés. Donc, c'est pas parce qu'ils dépensent le même montant qu'ils vont bénéficier des mêmes ressources, paradoxalement. C'est sûr que 100 000 euros dépensés dans un projet aérodynamique chez Red Bull vont forcément donner plus d'effets que dans des équipes de milieu de tableau, mais ça limite quand même effectivement la différence principale. Nisram nous dit dans le chat, hâte de voir comment Gunther Steiner va tout faire rater. On s'égare, ah là là. Peut-être qu'en 2023, on vous dira « Et le flop, c'est Gunther Steiner qui a été remercié par As en mi-saison. » On attend tous son bouquin, d'ailleurs. Hein. Il va sortir un bouquin. Ouais. Ah bah, très malin. Parce que je pense qu'il sent le vent tourner. Et donc, il se dit « Je vais sortir mon bouquin, ça va faire de l'argent de côté, c'est très bien. » Première fois. Ou alors, est-ce que Mick Schumacher fera la préface? Je tiens à féliciter Gunther Steiner parce que c'est le premier exemple que je vois comme ça de bonne gestion de sa part. Donc chapeau, bravo à lui. Tu vas voir que Nico Hülkenberg va remporter un Grand Prix de Monaco complètement fou. On va voir assez flou à partir du moment où il faudra faire le bilan. Et là, comptez pas sur moi. Hein. C'est la grosse cote. La Magnussen a fait une pole, hein, finalement. Rien n'est impossible. Oui, mais bon, quand même. Par contre, il ne faut pas compter sur Hülkenberg faire un podium. Hein. Mais si je dis, il va faire Bah oui, mais donc il gagne. Mais en fait, il gagne, mais il sort. Ah, Magnussen qui a gagné. Non, non, mais en fait, Hülkenberg gagne le Grand Prix, mais en fait, il sort dans le dernier tour. En fait, c'est parce qu'il y a un drapeau rouge, parce qu'il a une terrible sortie, il se casse la cheville, donc il ne peut pas aller sur le podium, comme Alonso au Brésil en 2003, donc du coup, il ne sera jamais monté sur le podium. De toute façon, il gagne Monaco, il n'y a pas de podium à Monaco. Donc voilà, au moins... Ou alors, il sera disqualifié, de toute façon. C'est le podium qui va monter sur lui. Il ils arrivent avec les voitures sur la grille. Bon, tu alors, qu'est-ce que... Mesdames et messieurs, le podium. Et là, Nicole Cullard se fait écraser par le podium de la F1. Et là, c'est la fête. C'est fort. On dit le titre de son livre, c'est une blague. Ah bah écoute, hein, bah, on dit quand il faut surfer sur quoi que ce soit. Non, ça va, c'est bien. Ça s'appelle l'opportunisme. Peut-on le blâmer ? Oui. Tout à fait, on peut. Peut-être un podium des plus de 35 ans pour Hülkenberg. Et encore, il y en aura combien des plus de 30 ans ? Ah non, parce que tu mets Alonso et Hamilton, déjà, il ne reste plus qu'à 3ème place. Et on doit bien retrouver un autre pilote de plus de 35 ans devant lui. Donc même ça, ça sera peut-être compliqué. Hamilton n'est plus vieux, de toute façon. Hamilton, Alonso et... Ah non, c'était Vettel qui était plus... Bah oui, j'essaie de trouver un troisième pilote depuis 35 ans, mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr qu'on en ait... Il y en a plus, là. Oh, il sera sur un podium, alors. Ah, il sera troisième de classe à chaque Grand Prix. Ça, c'est fort. Peut-être même deuxième, des fois, parce qu'Aston Martin, bon... C'est pas ce que ça donnera. Avec Zoé Soudi, après, on passe à Perez et Bottas, qui ont 32, effectivement. Donc, ouais. Bravo, Nico. Il faut enfin, un podium. Bravo, Paul. On est content. C'est pour ça que tu reviens. Enfin. Oui, la consécration. Franck, ton deuxième top. Eh bien, je vais peut-être en surprendre pas mal. Mais ça sera fait à la Tiki. Non, j'ai pas bu non plus, quoi. Puis encore, là, il faudrait être un programme pour mettre Latifi dans un top, quand même. Ferrari, pour moi. J'aurais pu aussi le classer dans les flops, mais quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense, Ferrari s'est vachement concentré sur cette saison 2022, et ils l'ont très bien démarré. Ils ont très bien démarré, effectivement, cette nouvelle ère de la Formule 1 à effet de sol. Une monoplace dirigée, donc... En conception par Mattia Binotto qui était prié d'aller voir ailleurs si l'herbe était plus verte, à la grande tradition Ferrari qui n'aime pas quand des gens réussissent ou sont en train de réussir, voilà. C'est toujours un petit peu pareil. Il y a quand même pas mal de, pour une fois il y a pas mal de gens aussi qui ne comprennent pas, hein, effectivement le départ de Mattia Binotto, quoi, je veux dire, c'est un petit peu c'est vrai que c'est pas compréhensible dans ce contexte là. Alors ça remontrait quand même plutôt à il y a un an, en fait, que à ce moment-là, Ferrari cherchait plutôt un remplaçant fin 2021 et n'avait pas trouvé. Mais je veux dire, Mattia Binotto, il a quand même réussi de manière... Enfin, l'essentiel, c'est-à-dire remonter la Scuderia à un niveau où elle est capable de gagner, même de jouer le titre. Après, voilà, c'est une question de... Je ne vais pas dire de détails, parce qu'à ce niveau-là, c'est plus des détails, c'est quand même très important. Mais avoir la base, qui est un moteur puissant, un châssis qui fonctionne, une aéro qui fonctionne... le tout au moins de 3 ans pour avoir fait une année catastrophique en 2020, je veux dire que c'est quasiment inespéré, quoi. Donc là aussi, pour moi Ferrari est en top. Alors effectivement, est en flop dans les espoirs des tifosi, est en flop dans l'espoir d'une super saison qui se jouerait à la dernière course je dis pas au dernier virage parce qu'on a vu ce que ça pouvait donner, mais voilà. Voilà, donc c'est un flop au niveau des attentes, mais c'est pour moi c'est un top quand même en termes techniques, quoi, je veux dire, et si on comprend bien ce que Mattia Binotto a fait aussi, c'est-à-dire de se concentrer assez rapidement sur 2023 dès le milieu de saison, au moment où ils ont compris qu'effectivement ils se préparaient de boule au championnat, on peut aussi comprendre que Mercedes a rattrapé au fur et à mesure son retard. Donc pour moi, je ne veux pas envie de classer Ferrari dans les flops parce que je trouve que c'est pas mérité. Comme je trouve aussi que la démission forcée de Mattia Binotto n'est pas méritée non plus. Pour moi, c'est un peu du gâchis en plus avant l'heure, quoi. Je veux dire, pour une fois qu'en Italie, il pouvait avoir quelque chose sur lequel il pouvait compter peut-être sur plusieurs années. Voilà, on n'a pas viré Horner parce qu'il n'a pas gagné entre 2013 et 2021, quoi. Je veux dire. Voilà, ils avaient enfin quelqu'un qui tenait à peu près la route. Le reste, c'est l'opérationnel, genre de choses, ça se règle. Les erreurs stratégiques, ça se règle. C'est pas le directeur d'équipe qui fait la stratégie sur le plus mûr des stands. C'est pas le directeur d'équipe qui met la main dans le moteur pour dire tel segment, tel piston, tel turbo ne fonctionne pas. Ce genre de choses, ça se règle. Donc voilà, je trouve juste dommage, voilà, de finir, enfin pour lui, de finir comme ça, parce que si en plus Ferrari se met à gagner beaucoup plus l'année prochaine. Bah, ça ne sera pas grâce à Frédéric Vasseur, hein, faut être honnête. Hein. Ça sera encore l'héritage de Binotto. Donc voilà. Donc moi, pour l'ensemble du redressement de la saison, j'ai envie de classer Ferrari dans, dans les tops après. Voilà, j'ai fait comme toi, Franck. J'ai fait comme toi, Franck. Moi, c'était mon troisième top Ferrari parce que justement, j'avais anticipé que d'autres le mettraient dans les flops. Je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. Il ne faut pas oublier d'où ils reviennent. Ils reviennent de très, très, très, très loin. Même avant ça, ils avaient des voitures compétitives en 2018-2019, mais c'était pas des saisons faciles pour autant. 2019, il y avait l'histoire autour du moteur. 2018-2017, il y avait les soucis déjà opérationnels. Il y avait aussi des problèmes de pilotage de Vettel. Donc, ils reviennent de très loin. 2020, ils avaient touché le fond. 2021, bon, c'était un peu mieux. Et ils ont, comme tu l'as dit, très bien fait d'abandonner très rapidement le développement de la monoplace pour se concentrer presque exclusivement sur la F175. Ils ont eu raison. Ils ont produit pour la première fois depuis très longtemps une monoplace performante avec l'arrivée d'un nouveau règlement. Là encore, il faut rappeler que Ferrari, à chaque fois qu'un nouveau règlement entrait en vigueur, ils avaient à chaque fois un retard à rattraper. Cette fois, ils ont été la référence du début de saison, même si ça n'a pas duré très longtemps. Et je suis d'accord avec toi, l'opérationnel, ça se règle. Les fautes de stratégie, les fautes de pilotage, ça se règle. Par contre, produire une bonne monoplace, c'est le plus dur en Formule 1. Et je te rejoins encore aussi sur le départ de Binotto. Je ne suis pas sûr que ce soit la clé. Je pense que de la stabilité, ça aurait fait du bien. Tu as mentionné Horner chez Red Bull. On peut parler de Wolff chez Mercedes. Ça fait un moment qu'il est là aussi. Si ces équipes, elles gagnent ou s'ils retrouvent le chemin de la victoire, c'est aussi parce qu'elles font confiance aux personnes clés, aux mêmes personnes clés depuis des fois 5, 10, voire plus. 5-10 ans, pardon. Donc voilà, j'espère que... Je ne sais pas non plus si Vasseur sera l'homme de la situation. Ce qui est certain, c'est qu'a priori, on peut espérer qu'ils auront encore une monoplace performante l'année prochaine. Est-ce que ça suffira pour concurrencer Red Bull et contrer le retour de Mercedes ? C'est un peu tôt pour le dire. Malgré tout, je ne sais pas effectivement si c'est ce dont ils avaient besoin. Alors, on évoquait à un moment donné des tensions peut-être un peu avec Leclerc, mais encore une fois, le pilote est aussi là pour faire son boulot et je ne pense pas que changer la personne qui soit à la tête était ce dont ils avaient besoin. Donc l'avenir nous dira si c'était un bon choix ou pas. En tout cas, sur le plan technique, il est certain qu'il avait quand même ramené la Scuderia au premier plan. Et c'est aussi ce que je voulais souligner dans mon top. Quand bien même Ferrari ne lutterait pas immédiatement pour le titre dès l'année prochaine une nouvelle fois, je pense qu'ils resteront compétitifs. Je pense qu'on les verra régulièrement jouer la victoire et être sur les podiums. Et rien que ça, pour la discipline, pour la Formule 1, c'est quelque chose d'extrêmement important aussi d'avoir une Scuderia compétitive. Donc voilà, c'est aussi pour ça que je les avais mis en top 3 sur ma liste. C'est Clément Doubichon qui avait très bien résumé dans le chat. C'est un top technique, mais un flop organisationnel. Et c'est un peu, ça. Et justement, c'est en ça que je suis pas forcément d'accord avec vous sur le fait que, pour moi, la décision de se séparer de Binotto est la bonne parce que pour moi, la mission de Binotto, elle est accomplie. C'est-à-dire que il a repris une équipe Ferrari qui était un peu à l'ouest techniquement tout ça. Il a restructuré intégralement Ferrari. Il a amené les personnes qui étaient déjà dans les départements, mais il les a amenés à la tête des départements. Il a fait travailler pour que au moment où il y a un nouveau règlement, ils produisent un meilleur moteur, une meilleure aéro et un super châssis. Et ça, il l'a fait. Et cette année, ça a montré que, en fait, il a été un excellent réorganisateur d'équipe, mais qu'il n'est peut-être pas un très bon meneur d'hommes. Et du coup, maintenant, il faut un meneur d'hommes pour exploiter ce que Binotto a fait à l'image de Mercedes en 2013, qui a eu besoin de Wolff pour exploiter ce que Ross Brawn avant avait fait. Et je pense que là, on est exactement au même moment charnière pour Ferrari. Mm-hmm. Et je pense que la décision de prendre quelqu'un qui sera beaucoup plus meneur d'homme est vraiment, pour moi, le meilleur maintenant. Mm-hmm. Parce que justement, Binotto a fait ce qu'il avait à faire. Et en ça, je trouve que son bilan est excellent à la tête de Ferrari. Sa seule erreur, ce qui paye énormément cette année, c'est la com qui a été désastreuse. Mais je trouve que au niveau de ce qu'il a fait en 3 ans chez Ferrari, on a vu là, déjà l'équipe est clairement remontée comme une équipe, elle est partie d'équipe vraiment de milieu de peloton, elle est revenue sur une équipe de pointe, et il a mis tous les éléments clés à la tête des départements qu'il fallait. Alors maintenant, il faut restructurer l'opérationnel, il faut changer les stratèges, il faut revoir les ingés, etc. Mais pour moi, il a fait son boulot, et justement, sa mission était terminée, et je ne le voyais pas. Je pense qu'il serait resté, il y aurait forcément eu ce plafond de verre qui est qu'il n'arrive pas à gérer la pression, il n'arrive pas à gérer l'opérationnel jour le jour, et il n'arrive pas à communiquer sur son opérationnel, là où Vasseur le fera peut-être. Et je pense que si Vasseur fait gagner Ferrari, eh ben on pourra dire Vasseur fait gagner Ferrari parce que justement, il a su exploiter ce que Binotto a mis en place. Et je pense que dire que les deux ont fait gagner Ferrari ne sera pas incompatible. Je suis tout à fait d'accord. Et c'est le paradoxe de Binotto, c'est qu'il a été finalement victime de son succès, victime d'avoir accompli exactement. En fait, dans un monde parfait, on aurait un dirigeant d'équipe et à côté un Binotto en dirigeant technique. En fait, si finalement ça aurait été le parfait combo, mais ça n'arrivera pas. Dans un monde parfait, ils auraient gardé Binotto, ils auraient rétrogradé Binotto s'il avait voulu en directeur technique pour chapeauter tout ça. Et ils auraient mis Vasseur en meneur d'homme. Mais je pense que ça n'aurait pas fonctionné parce que malgré tout, il y a une différence de philosophie dont Ferrari a besoin aussi. C'est vrai qu'il y a des équipes comme ça qui arrivent à à Carrefour. Je pense à Alpine aussi, qui est pareil, c'est débarrassé de l'ancien management parce que l'équipe était remise sur des rails. Ils repartent sur un plan un peu lointain parce qu'ils repartent de plus loin. Mais je pense qu'il y a aussi ce même principe où il faut repartir sur quelque chose avec une façon différente de gérer parce que la dynamique a été insufflée et que maintenant, il faut tourner la page. Ouais, je suis d'accord. C'est vrai que... Voilà, c'est l'avenir évidemment qui vous dira. Alors, moi d'ailleurs, il 50 qui vous demandait quel est l'avenir pour Binotto. Bon, il fera comme tous les anciens dirigeants de Ferrari, il ira à la Juventus. Hein, et puis, il y a une place chez Williams. Oui, c'est ça. Ah ouais. Une place chez Williams. Bah, à redresser techniquement une équipe, il sait faire ça. Hein. Ouais, le défi est là. Et surtout que. Mais quand on arrivera à l'organisationnel, il sera viré une deuxième fois. Mais... quand Williams sera là. Quand Williams se fera battre par Red Bull pour le titre de 2028. Binotto, il va reprendre 5 équipes. Il va à chaque fois les amener deuxième du championnat. Par contre, après, non, pour gagner les titres. Démerdez-vous, c'est bien gentil, mais dégage. Hein. C'est ça le paradoxe. Le paradoxe de cette année, c'est comment on peut expliquer que Charles Leclerc n'ait gagné que 3 Grands Prix, alors que Charles Leclerc signe 9 pôles et Ferrari au total, il fait plus de la moitié des pôles, 54%. Comment expliquer que Leclerc ne gagne que 3 Grands Prix alors qu'il mène un quart des tours de la saison contre 47% pour Verstappen? Donc voilà, c'est vraiment le grand paradoxe qui a été fatal à Binotto. C'est comment expliquer que, voilà, il a. Le problème, c'est que. Il s'est créé les conditions de la victoire, mais il ne s'est pas gagné. C'est ça le problème de Binotto. D'ailleurs, c'est une autre paradoxe cette saison, c'est que Verstappen, en 2022, a mené moins de tours qu'en 2021, au final. Alors qu'il a dominé la saison. Mais c'est ça. Et puis, comment expliquer ? En fait, c'est comment expliquer que Binotto nous explique que ça vient de la voiture ? C'est ça qui est vraiment prodigieux. Ouais. C'est qu'il passe toute l'année à dire que la voiture n'est pas au niveau alors qu'elle fait plus la moitié des pôles. Et d'ailleurs, j'ai vu dans le chat quelqu'un qui disait que c'était le point faible de Ferrari, mais c'était le développement, et je ne suis pas d'accord, parce qu'ils sont partis d'une base qui était bien meilleure que Red Bull, et du coup, c'était difficile de progresser, et surtout, le développement a été arrêté très vite. Donc, en fait, s'ils avaient conservé tous les moyens sur la voiture 2022, ils auraient fait sûrement une fin de saison bien meilleure que ça. Il ne faut pas sous-estimer parce que Mercedes est revenu sur eux et pensait qu'ils ont totalement foiré. La F1 75, le chapitre s'est clos assez vite, donc... Je pense que le département technique de Ferrari est vraiment à la pointe de ce qu'il a été depuis peut-être 15-20 ans. Et à mon avis, la voiture 2023 sera au moins aussi bonne que la 2022. Il ne faut pas les sous-estimer à ce niveau-là, je pense. Ferrari, ça, quand tu dis peut aller chez Peugeot ou Hyundai, non, mais rappelons que Hyundai, c'est Cyril Abitbol. on a retrouvé Cyril Abitbol quand même. Alpha aussi cherche son directeur d'équipe. Maintenant, est-ce qu'il va accepter effectivement d'être sous les ordres un petit peu d'André Seidel? Mais c'est pour ça, on nous a posé la question quelle est la dernière occurrence d'un team principal qui se fait virer et qui reste dans l'équipe dans un poste subalterne. Donc je pense que ça n'est jamais arrivé. C'est quand même ultra compliqué de dire, enfin je sais pas, c'est comme t'es grand patron d'une entreprise, on te dit et maintenant tu vas être chef des ventes. Mais non. Et bah si, je dirais c'était Nick Fry chez Honda qui est passé bras droit de Brand quand Brand a pris Mercedes. Il était boss de l'équipe avant. Je pense que c'est le dernier exemple en date. Ouais, ils ont inversé. Mais il y a eu un an de transition où Brand a géré intégralement le truc, y compris en mettant les billes dedans. Donc c'était pas tout à fait la même situation. Après, quand on a dirigé Ferrari, aller diriger une chose qu'une, enfin une équipe de milieu de peloton, ça devient Audi plus tard. Je ne pense pas que Binotto soit le choix numéro 1 d'Audi. Parce que, soyons clairs, enfin, on n'a pas parlé encore, mais c'est carrément Audi qui tire déjà les ficelles. Hein, oui. Donc, voilà, moi, si je vais miser sur un des teams principaux sortants pour aller chez Alpha, ce serait plutôt sur Capito que sur Binotto, parce que Capito est très bien connu du groupe Volkswagen. Maintenant, je ne suis pas certain que ce soit aussi Capito là-bas. Je pense qu'il y a peut-être d'autres gens chez Audi directement qui sont pressentis. Moi, je mettrais bien une petite pièce sur Alan McNish. On peut imaginer Alan McNish, Team Principal, et François-Xavier Demaison qui ferait un peu le côté. Demaison, je ne suis pas certain, moi. Parce que mon show est quand même super bon. Et Demaison, sur la Formule 1, je suis désolé, il n'a pas la même expérience. Est-ce que mon show pourrait être embarqué par Vasseur chez Ferrari pour chapeauter le département technique? Peut-être. Vasseur, il sait qu'il n'a pas besoin de révolutionner le département technique. Hein. Ça c'est sûr aussi. Ouais. Il arrive quand même sur une équipe au niveau technique qui est plutôt bien sur ses deux jambes, quoi, et qui est saine. Voilà. Donc aller déstabiliser ça alors que lui arrive, Je ne crois pas que ce soit le bon. Je crois pas que ce soit le move qu'il a envie de faire. Il avait encore les deux casquettes, Bilotto, ou pas? Parce qu'il y avait ce moment. Officiellement, oui. Mais bon, après, il y avait des responsables châssis, des responsables moteurs, des responsables aéro. Et des responsables performance aussi chez Ferrari. Et sachant que le responsable châssis était responsable projet, donc c'est-à-dire que lui, il chapeautait en fait le projet F75. Donc... Oui. Ce qui est logique, puisque le châssis intègre l'ensemble des éléments. Exactement. Donc effectivement, oui, il y a moins. Parce que si tu avais un Bitauto encore très appliqué dans la technique, ça aurait été effectivement utile de changer. Mais voilà, c'est... Le rôle de team principal, c'est Toto Wolff qui l'a le mieux défini en disant « Je ne sais pas construire des voitures, mais je sais recruter des gens qui savent construire des voitures. » Même quand on a le passé d'ingénieur moteur comme Binotto, on n'a pas le temps concrètement de se plonger pour savoir où va tel ou tel piston. C'est vraiment un boulot de super DRH manager que vraiment d'ingénieur. Mais c'est ça. Le seul boulot à en fait, c'est tu joues au puzzle, tout court, mais tu dois prendre les meilleures pièces, les imbriquer, et puis... C'est pour ça qu'on pourrait retourner l'argument en disant, voilà, Binotto, depuis qu'il est team principal, il n'a plus le temps de s'occuper de la voiture, donc la voiture va mieux, si on pousse le raisonnement jusqu'au bout. De toute façon, en Formule 1, le seul directeur technique que vous pouvez signer les yeux fermés, c'est Adrian Newey. Ça, c'est clair et certain. Tout le reste, ce n'est qu'un assemblage de briques de ressources humaines. Chez Mercedes, vous n'avez jamais un directeur technique qui se détache de l'eau. Parce qu'ils ont tout fait en promotion interne, ça s'est succédé. Il y a du Aldo Costa, il y a du James Allison, il y a du Mike Elliott. Il y a beaucoup de gens ont tourné chez Mercedes et le niveau de performance est resté quand même très bon, même si cette année ça s'est un peu écroulé parce que le concept n'était pas bon. La remontée sur une saison est quand même spectaculaire, ce qui d'ailleurs nous fait dire que l'année prochaine, avec tout ce qu'ils ont appris cette année, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ils partent quand même avec certains bons atouts. Pour les prochaines saisons. Et en fait, voilà, c'est ça qui est compliqué dans le rôle de team principal, c'est que c'est fini le temps, à part, je classe juste Adrian Newey à part, qui est lui le grand gourou, voilà, il s'est dessiné une Formule 1 les yeux fermés sur une planche à dessin, c'est ça en fait. Hein. C'est un petit peu le dernier de son espèce. À part lui, ce n'est qu'un assemblage des bonnes compétences, des bonnes personnes, des bonnes relations. À un niveau absolument fou parce qu'on parle quand même de 800 à 1000 personnes pour les plus grosses équipes quoi. Et n'oublions pas que Newey n'est pas directeur technique, il est concepteur de voiture parce que le directeur technique c'est Pierre Vacher, le français. Donc il y a quand même quelqu'un qui chapeaute à côté l'ensemble de l'intégration châssis tout ça, et Newey est très axé sur le dessin de la voiture et l'aéro et ça fait très bien. Et effectivement, j'imagine qu'il a quand même un énorme input sur l'ensemble du... Ah ben Newey, il le ressort à chaque fois qu'il y a un nouveau règlement. Hop, Adrian, il y a un nouveau règlement. Tu viens faire la première voiture. Si ça marche, c'est bon. Tu pourras refaire tes projets à Aston Martin, Valtteri, je sais pas ce que tu veux. Bateau ou autre. C'est ça. Ce qu'il a l'idée, c'est que dans ses travaux pour le doctorat, il avait notamment beaucoup travaillé sur l'effet de sol aussi. Et c'était vraiment aussi un enjeu central cette année. Donc il y a eu aussi un facteur... simplement de passer incroyable de cette... Ah oui, mais si maintenant il commence à faire les règlements en fonction d'Adrian Newey aussi, ça ne va plus aller. Hein. Tous les trucs qui ne lui vont pas, et ce sera plus sympa. Et c'est d'ailleurs pour ça que chez Mercedes, ils ont créé un nouveau poste, alors à la fois pour permettre à Allison de prendre du recul, mais aussi parce que ça reflète l'organisation des équipes, qui est de directeur technique en chef, donc au-dessus du directeur technique, pour qu'il marque bien que le directeur technique, en fait, il est plus directeur que technique, finalement. C'est ça. Manu, ton prochain top. Continuons avec vos tops, messieurs. Et ben moi, ce sera Charles Leclerc qui a eu l'occasion de nous prouver qu'il était championship matériel et qu'il l'a fait, puisque finalement, sans les problèmes stratégiques et techniques de la voiture, il aurait gagné au moins 4 courses de plus, on va dire. Donc, ça ferait 7 victoires dans l'année, ce qui serait vraiment pas dégueulasse. Et surtout, il a craqué sous la pression que dans les moments où il était déjà au pied du mur et sur la défensive. Sinon, il était quand même ultra solide. Donc, l'erreur en France était vraiment évitable. Le reste de la saison, pour moi, il a été excellent et il a atomisé Sainz encore plus qu'en 2021. Donc, pour moi, c'est le leader de l'équipe, c'est le champion du monde en puissance dans l'équipe. Je pense que Vasseur le sait et je pense qu'on va le voir exploiter à sa juste valeur l'an prochain. Et à mon avis, avec l'expérience gagnée cette année, parce que maintenant il sait que s'il a les moyens, il est capable d'enchaîner les victoires, enchaîner les performances, et que si la voiture est au niveau, il le sera aussi. Je pense qu'il va avoir un peu moins de complexes, de moins en moins de complexes en tout cas. Donc il ne reste plus qu'à prendre un peu plus de place de manière politique, mais je trouve que sur le plan de la vitesse pure et puis de la gestion émotionnelle et tout ça, il est pour moi au niveau maintenant de... Enfin, il est prêt pour être champion, simplement. Tout à fait d'accord. Ouais, je suis d'accord avec toi, Manu. Je pense qu'il a fait quelques erreurs de pilotage, mais je pense qu'elles étaient aussi dues au contexte en interne qui devenait pesant avec la répétition des erreurs de stratégie et les problèmes de fiabilité. Et je crois que si tout est réuni l'année prochaine ou dans les années à venir, il fera en effet une saison sans faute. Un peu à l'image de ce qu'a fait Verstappen, en fait. On a vu Verstappen faire des erreurs grossières jusqu'à ce qu'il ait enfin une monoplace capable de jouer le titre. Il est passé au braquet supérieur. Et je m'attends moi aussi à voir Leclerc totalement prêt à jouer le titre le jour où tous les éléments seront réunis et quand il y aura beaucoup moins d'erreurs en interne, parce que je pense que Ferrari lui gâche 3 ou 4 victoires quand même cette année par la stratégie, et lui il en perd peut-être une ou deux par sa faute, mais enfin c'est quand même avant tout l'équipe qui le plombe, donc ouais, je te rejoins à 100% là-dessus, il est prêt et quand tout sera là, il sera au rendez-vous lui aussi. C'est ça, je pense que là il risque de faire très mal quand dans toutes les pièces pour moi, il va être réunis, hein. Il perd 2 victoires à la stratégie qui sont Monaco et Silverstone. Il en perd 2 sur des pannes mécaniques, l'Espagne et je ne sais plus laquelle, bah, potentiellement Bakou. Et il perd la France où il fait une connerie à lui. Donc ça fait quand même potentiellement jusqu'à 8 victoires qu'il aurait pu avoir cette année. Et ça uniquement sur la première partie de saison. Et s'il avait eu ses victoires, Ferrari n'aurait pas abandonné et je pense qu'il aurait pu en gagner par la suite de la saison aussi. Donc la saison de Leclerc, elle est moche dans le sens où il n'a que 3 victoires, mais après. Comme tu disais tout à l'heure, Alex, il a énormément de pôles et en fait, au final, on se rend compte que des victoires manquées, il y en a énormément et très rarement par sa faute. Donc, pour moi, c'est la preuve qu'il est au niveau. Quoi. C'est très bien ton raisonnement, Manu, mais tu oublies que si Alonso n'avait pas eu ses casse mécaniques, c'est bien. Ah putain, désolé, j'oublie tout le temps, mais je suis de mauvaise foi, je pense. Et c'est parce qu'il serait britannique, j'oublierais pas. C'est pour ça. Ça aurait été comme autre chose, hein, à un moment donné. Paul. Your top. Alors, mon top suivant l'a déjà pas mal abordé, c'était sur la nouvelle réglementation aérodynamique. Je pense que si on n'a pas vu plus de courses spectaculaires, c'est aussi parfois en raison des caractéristiques des circuits, mais on a vu sur des tracés, je pense, là j'ai des images qui viennent en tête, Silverstone ou même l'Autriche. L'Autriche, on a 5 voitures différentes qui se battent pendant quasiment un tour entier les unes contre les autres. Silverstone, la séquence incroyable où il y a Pérez et Leclerc qui se battent et ça ouvre la porte à Hamilton qui se refait passer dans la foulée par les deux pilotes. Enfin, c'était, on peut bien sûr mentionner les premières courses de la saison avec la lutte entre Leclerc et Verstappen à Bahreïn et à Jeddah. Enfin, on a eu des luttes absolument magnifiques et je pense que c'est aussi en grande partie dû à la réglementation. Donc, je dirais qu'il faut, comme ça a déjà été dit, être encore un petit peu patient, que ça va s'améliorer dans les années à venir et qu'une fois que les performances seront serrées entre les voitures, ce sera exceptionnel parce que, sachant que c'est la première année des réglementations et qu'en théorie, on a eu les écarts les plus grands qu'on aura avec ce règlement, je me dis que sur les bons circuits, encore une fois, on a vraiment, vraiment moyen de se régaler sur les années à venir avec ces nouveaux règlements qui sont pour moi, encore une fois, une vraie réussite. Ouais. Bravo, Rosbrun. Oui. C'est ça, mais pareil, oui. Prix de son année. Est-ce mais que ça n'est pas Ross Brawn le meilleur top finalement? Oui, selon Ross Brawn en particulier. Selon un collège composé de Ross et de Brawn, bien, ils sont unanimement d'accord pour dire que Ross Brawn était le meilleur cette saison. Si vous avez encore des tops, messieurs, avant qu'on attaque la partie. Moi, je voudrais en décerner un à Alexander Albon aussi, qui a fait un retour que j'ai trouvé particulièrement excellent. Qui aura battu, je crois, 19-2 Latifi en qualification, et qui a fait une saison à la George Russell, qui d'ailleurs pourrait être tout à fait un top. C'est un niveau top d'adaptation. Voilà. Ouais. Voilà, donc avant de parler de Russell, je voudrais quand même parler d'Albon, qui a montré finalement qu'il était d'un niveau dans George Russell, c'est-à-dire dans un potentiel champion du monde. Il a fait, alors il a marqué certes finalement peu de points avec sa Williams, mais je l'ai trouvé encore plus impressionnant en qualification le samedi, où il a été parfois dans le top 10, souvent aux portes du top 10, et avec sa monture qui était quand même la plus lente dans la majorité des courses, c'était vraiment, et pour moi, il a surperformé toute la saison. Évidemment, comme avec Norris et Ricciardo, toute la question sera de savoir, est-ce que c'était Albon qui était vraiment excellent, ou Latifi qui était vraiment nul. Mais moi, je pense que, comme souvent, la vérité et entre les deux, voilà, Albon a fait un méga retour. Ça prouve aussi qu'une saison sur le banc de touche Red Bull à se former dans le simulateur, etc., ça peut être très profitable. Et donc, ça peut aussi donner de l'espoir à Daniel Ricciardo, même si, évidemment, il est beaucoup plus âgé. Donc, bravo Albon pour sa saison de retour. Ouais, moi, effectivement, alors, ça va pas être des tops, effectivement, ce sera plutôt des mentions spéciales, même si je mettrais plutôt Russell en top, parce que franchement, pour une première année chez Mercedes, être comme ça, déjà au niveau d'Hamilton, genre, voilà, il n'y a plus de questions à se poser aussi sur le championship matériel que peut être Russell à l'avenir. On sait que le gars est solide, qu'il est capable d'aller chercher des victoires, et je pense s'il a la bonne voiture, d'aller chercher effectivement des championnats aussi. Donc voilà, un gros top. Ça n'enlève rien à Hamilton. Hamilton a fait une super saison aussi, à son niveau, plutôt technique, plutôt en coulisses. Si on analyse bien ce que lui-même dit, ce que le management a dit, effectivement, qui était beaucoup plus concentré sur la découverte des problèmes, la compréhension des réglages, ce genre de choses, des tests à faire, effectivement, qu'il a un petit peu sacrifié sa première partie de saison. Mais ça n'empêche pas que voilà, Lewis Hamilton était encore tout à fait au niveau. D'ailleurs, sur la fin de saison, quand il a fallu un peu ressortir un petit peu la cravache, George a de nouveau souffert un petit peu, hein, en termes de performance pure. Donc voilà, il y a un duo extrêmement équilibré chez Mercedes. Attention quand même à l'année prochaine, si effectivement ça devient un petit peu plus en faveur de Mercedes pour le championnat, ça va être épique à gérer pour Toto Wolff, parce que je pense que les deux ne se feront pas de cadeaux du tout. La bonne entente pourrait vite s'en aller. Dans les bonnes mentions, effectivement, que j'avais notées, on a déjà parlé effectivement de Lando Norris. Je voulais aussi en faire une pour Esteban Ocon, qui a tenu bon face à Fernando Alonso, aussi bien en termes de performance qu'en termes politique, on va dire. Voilà. Ah, mais sa voiture ne tournait pas en panne aussi, donc c'est facile, quoi. Mais bon, voilà. Des gens qui ont morflé face à Alonso, on en connaît. Voilà, donc c'est très bien qu'il ait réussi, ouais, effectivement à surmonter ça pendant deux saisons. Hein? C'est voilà. Pas Thiago Marquez, en tout cas. C'est ça. Parso Marquez, le pauvre. Parso, ouais. Voilà, après, les mentions, j'ai voulu mettre Vettel au départ, mais bon, je trouve qu'il était un peu absent sur la première partie de saison. Il s'est un peu lâché après l'annonce de sa retraite. C'était un peu mitigé pour moi. Ah, Vettel, on peut y aller fort. Moi, je suis désolé. Bahreïn et Arabie Saoudite, moi, je ne l'ai même pas vu du tout. Nulle part. Mais voilà, c'est un peu mitigé. Et l'autre mention spéciale que je voulais donner, c'était à Guanyu Zhou, quand même, qui sert sur le plan comptable. Ne fait pas le poids face à Bottas, hein, qui marque 6 points sur la saison, mais il est au niveau. Il est au niveau de la F1. Il a fait démentir tous les pronostics. Il a déjoué tous les pronostics. Il a fait démentir tous ceux qui le voyaient en tant que simple pilote payant qui allait se faire écraser rapidement et finir en fait comme un Latifi ou un Mazepin, quoi. C'est pas du tout ça. Donc on a vraiment un pilote qui était un peu moyen plus quand même en Formule 2, mais qui s'est vraiment révélé au volant de ces Formule 1 2022, et qui a l'air de particulièrement apprécier, en tout cas en termes de performance. Donc pour moi, c'est une mention spéciale pour lui. Je sais pas quel va être son avenir avec Audi qui arrive derrière. Audi est très présent sur le marché chinois, donc avoir un pilote chinois, c'est pas déconnant. Mais bon, il y a encore quelques années à faire, donc j'espère au moins qu'il pourra aller au bout de la saison prochaine, c'est sûr, mais peut-être au moins jusqu'en 2025, s'il le mérite, quoi. S'il mérite vraiment sa place, j'espère qu'au moins on le verra jusqu'à la fin 2025 chez Sauber, quoi. Voilà. Ah, c'est déjà bien qu'il puisse continuer. Une mention spéciale. Qu'on lui offre une deuxième saison aussi, c'est bien, ça permet de continuer le développement, c'est important. Mais c'est vrai qu'on est arrivé mi-saison, je ne m'attendais pas, mais mi-saison, c'était pour nous tous totalement une évidence qu'il devait continuer et qu'il n'y avait pas de soucis. Enfin, il a vraiment été très bon, et j'étais le premier à fortement le critiquer en dernier, donc autant vous dire que j'étais très agréablement surpris de ses perfs. Manu, tes mentions. Moi, en mention, ouais, j'avais aussi le duo Mercedes, parce que tous les deux, ils ont été ultra complémentaires, et puis effectivement, Russell s'est révélé au niveau qu'on espérait de lui. Et en tout cas, il a donné une suite attendue à sa pige, à sa Kyr 2020. Donc, bien joué à lui. C'est vrai qu'il y a pas, j'ai pas grand-chose à rajouter. La constance a été vraiment incroyable de son côté. Hamilton a pris son rôle à cœur, qui a été celui du pilote expérimenté, qui bosse dans tous les sens pour trouver d'où viennent les problèmes. Il ne faut pas sous-estimer son apport technique énorme, ce qui n'enlève rien à la domination qu'a finalement appliqué Russell sur lui, parce que même en fin de saison, il lui tenait le rythme, alors que Hamilton était de retour aux affaires. Donc, ça montre que Russell est bien au niveau, comme attendu. Après, sinon, moi, je voulais donner une mention spéciale à Alpine, parce que je trouve que la voiture était incroyable cette année. Le moteur était excellent. Alors, ça manque de fiabilité, mais on sait qu'ils peuvent travailler dessus. Et justement, ils ont fait ce bon choix, dans le sens où c'était les seuls qui repartaient avec un bloc intégralement neuf. Donc, c'était normal qu'il y ait un peu plus de problèmes. Et finalement, ils ont laissé la porte ouverte à des modifications pour la fiabilité. Mais on a un bloc qui est très performant du côté de Viry-Châtillon et la voiture était incroyable du côté d'Enstone parce que finalement, on l'a dit plusieurs fois cette année, c'était une des rares voitures à être à l'aise partout, qui n'a vraiment pas eu, enfin qui a eu un mauvais week-end, je crois, mais sinon c'était globalement très très bon. Donc bien joué à Alpine d'avoir finalement lancé le truc. Alors, ils auraient fini cinquième si McLaren avait eu deux pilotes fonctionnels tout au long de l'année, mais malgré tout, c'est une saison encourageante et finalement, c'est peut-être la saison la plus encourageante pour les voir revenir vers les top teams, puisqu'en fait, ils partent d'un nouveau règlement avec moins de retard que ce qui partait lors des précédents règlements. Donc, le boulot fait par l'ancien management fonctionne et je pense qu'ils ont les bonnes personnes en place. Il faut gérer quelques couacs de communication, évidemment, et notamment que tout le monde est le 06 du patron. Mais à part ça, ça devrait fonctionner tout au long de la saison. Donc, et des saisons à venir. Et je pense que le plan pour dire on gagnera des courses dans les 100 prochains Grands Prix est vraiment tenable ce coup-ci. Ce n'est pas un plan en l'air. Et à mon avis, c'est tout sauf des paroles en l'air. Je pense qu'il y a vraiment un plan sur 4-5 ans chez Alpine pour être en fait au niveau des top teams au moment où on arrivera au bout de la réglementation actuelle, donc 2025. Je leur souhaite juste d'avoir un plan un petit peu mieux foutu qu'IndyCar, puisqu'on est censé avoir battu le record de vitesse Indianapolis depuis maintenant 5 ans. Donc, il faudrait. Mais les plans à 5 ans qui reculent, c'est compliqué. Faut toujours faire attention. Paul, dans tes mentions, et puis après, on passera au flop. Alors, pour les mentions honorables, je voulais mentionner deux équipes qui reviennent de très loin. La première, c'était Alfa Romeo, qui sort quand même de deux saisons absolument moribondes sur tous les plans. Il y avait beaucoup de démobilisation en interne. Raikkonen, il attendait un peu le départ à la retraite et Giovinazzi, on se demandait encore pourquoi il était en F1. Et c'était agréable cette année de les revoir célébrer des arrivées dans les top 10, de les voir avec un duo de pilotes complémentaires qui étaient contents de travailler ensemble. Et puis la deuxième équipe, bien sûr, ACF1, qui sortait d'une saison encore plus morne en termes de résultats et d'ambiance en interne pour le coup, qui certes n'a pas été très régulière, mais qui a fait des coups incroyables, avec bien sûr notamment Magnussen, la cinquième place à Bahreïn et la pole position incroyable à Interlagos. Donc comme quoi on peut revenir être la pire équipe d'une année précédente et faire des coups incroyables l'année suivante, donc ça c'était chouette. J'allais mentionner Russell, mais vous avez tout dit. Je voulais aussi saluer Nyck de Vries quand même, qui a quand même saisi l'opportunité d'une vie, qui a fait un week-end à la Albon chez Williams, j'ai envie de dire, sur le seul week-end qu'il aura fait cette année, et qu'aura mérité sa place en F1, bon, sur un seul week-end certes, mais qui malgré tout, avec ses résultats dans les catégories précédentes où il a évolué, je pense mériter une chance déjà, et je suis très content encore une fois qu'il puisse avoir sa chance, en attendant qu'il confirme bien sûr l'année prochaine. Le Cameron Briefer a dit, on se demande ce que fait Giovinazzi en Formule 1, rassure-toi, il ne sera plus en Formule 1 lors de la saison prochaine. On peut noter qu'on peut faire une mention d'honneur aussi à la première partie de saison de Bottas qui marque 38 points les 6 premières courses, hein, qui était un vrai métronome. Et j'ai bien aimé aussi de voir le Bottas un peu libéré de son rôle de chez Mercedes et d'être le mentor de Joe. Il prenait plaisir à faire ça, donc on le sent vraiment libéré. Voilà. Ça faisait plaisir de voir ce nouveau Bottas, en particulier pour la première moitié de saison, parce que la deuxième a été beaucoup plus difficile. J'aime bien parce qu'on parle de Bottas, de mentor. Tu vois, c'est vrai qu'il a, il a été de bons conseils. C'est le vieux sage un petit peu de cette équipe qui monte son cul tout le temps, qui pose avec des Bob Ricard. C'est bien. J'aime beaucoup. C'est la première fois que c'était le pilote le plus expérimenté dans une équipe et effectivement ça lui a fait du bien. Après c'est vrai qu'on peut se demander si le Finlandais finalement pas un animal qui hiberne, puisque à partir du mois de septembre on n'a plus vu Valtteri Bottas en fait en piste, il était absent. Donc à voir ce que ça donnera au niveau de mars, mais c'est vrai que la fin de saison a été compliquée pour lui quand même. Je pense qu'ils le font pendant la pause estivale. Pas d'autres. Franck c'est encore mieux. C'est encore meilleur, Franck, là, c'est-à-dire qu'il a été à la lumière chez lui, maintenant il brille de mille feux, c'est formidable. Non, même pas, là. Oh, vous avez vu, hey. C'est classe. Hey. Oh là là, mais dis donc. Attends, est-ce que je peux pas faire une connerie dans le genre, moi ça, marche si tu t'as... ça marche si tu t'as dans les mains, Franck, aussi ? Non, ça marche pas. Ah, non, mais on me demandait tout à l'heure si le bonnet clignotait, mais oui, il clignote le bonnet. On voit mieux là. Ah, ça marche. Ah, c'est nul. Ah, le gâteau, vous faites pas des trucs bien. Le gâteau, ça marche pas aussi bien, je suis détruit. Mais bon, on vient de faire plus d'une heure à dire des choses bien. Et des choses gentilles, ouais. Distribuer des bons points. Peut-être quand même commencer à dire du mal de certaines personnes. Ouais, ça y est. Il serait peut-être temps d'y aller. Donc en plus, Alex, vas-y, fais-toi plaisir là-dessus. Il y a le gros. C'est le premier à être venu dans la conversation, donc il a le droit d'aller. Prime à ceux qui arrivent le plus tôt. Il n'y a pas de. Pas de. Alors, j'hésite entre un pilote australien et une équipe italienne, mais je vais quand même penser pour laisser Ricardo à mes camarades. Donc en particulier, je vais commencer par AlphaTauri qui a divisé par 4 son nombre de points en une année et qui pour moi a été une très grosse déception cette année. Voilà, ils empilaient notamment avec Gasly les très bons résultats, les top 6, les top 7 l'an dernier. Et cette année, ils sont arrivés avec une voiture qui n'avait pas véritablement de gros points faibles, mais qui était médiocre partout. Médiocre partout et qui n'a eu aucun développement apporté tout au long de la saison. Il y a eu un nouveau museau quand même. C'était violent. Voilà. Et on a senti, il y a eu aussi les rumeurs de rachat autour de l'équipe qui n'ont pas amélioré l'ambiance et des pilotes qui étaient un petit peu démotivés, en particulier Gasly. Donc pour moi, voilà, AlphaTauri était vraiment un petit peu portée disparue alors qu'elle faisait soit des miracles, soit des performances satisfaisantes les années précédentes. Ils terminent 9e quand même, ils se font battre par As. Voilà, pour moi, ça a été une des grosses déceptions et je m'interroge un peu sur le futur de cette équipe. Est-ce qu'il y a vraiment un projet à long terme, alors que Red Bull, en recrutant Verstappen au dernier moment dans sa filière et en recrutant Perez, alors là, c'est même pas lui, au dernier moment, là, c'est comme un pilote, voilà, entre guillemets, normal, sans passer par l'équipe junior. Voilà, cette équipe a-t-elle vraiment encore une raison d'être pour vendre une marque de vêtements que personne ne connaît ou dont personne n'a l'argent pour l'acheter? Mais est-ce que finalement le vrai impact d'AlphaTauri ne s'est pas vu dans la saison de Red Bull? Enfin, c'est ça qu'eux vont regarder en interne, quoi, si ce qu'on pense est assez, est assez vrai. Mais je suis pas sûr. Mais bon, comme l'a dit Ditra, de toute façon, l'an prochain, ils se battent pour la victoire. Donc, je vois pas quel est le souci. Ils ont dit à Gasly que de toute façon, l'an prochain va être incroyable. Donc... Bah, l'année prochaine, ils auront une RB18 camouflée. Donc, forcément, ça ira mieux. Hein, voilà. Pourquoi dépenser trop d'argent la première année si on peut récupérer les bons morceaux la seconde? C'est ce que je leur souhaite. Maintenant, c'est le jeu des équipes clientes. Et là, je parle même pas clientes, là, c'est des équipes sœurs. Voilà. Donc, on ne peut que espérer pour eux qu'ils puissent remonter effectivement en 2023. C'est vrai que cette année, c'était catastrophique. Alors, il y a aussi eu le manque de communication de Red Bull et AlphaTauri sur la partie, notamment la suspension avant, voilà, puisque AlphaTauri a découvert au dernier moment que Red Bull avait une suspension avant différente de celle qui était entre guillemets prévue, donc même pas une suspension à poussoir mais à tirant, donc ça en termes de conception sur les pièces, ce genre de choses, il y a quand même pas mal de choses qui diffèrent. Après, voilà, c'est une équipe qui a, je sais pas comment elle fonctionne, le budget est assez opaque de cette équipe. On sait pas combien Red Bull met effectivement dedans, combien d'argent est dédié à la conception, combien d'argent est dédié à l'achat de pièces. C'est très opaque. Autant on sait donner des budgets pour les autres équipes, autant le fonctionnement d'AlphaTauri en termes budgétaire de dépenses et d'attentisme par rapport à ce que sait faire Red Bull, à ce que peut fournir Red Bull est extrêmement opaque. Donc, Mais tu vois, moi j'ai quand même, enfin, moi j'ai toujours vraiment du mal à comprendre. Par exemple, Toro Rosso à l'époque est arrivé en F1, là je pouvais clairement. Tout le monde pouvait clairement voir que c'était l'écurie sœur Red Bull, puisque les voitures étaient identiques de toute façon. C'était les mêmes voitures, ils avaient pas, ils pouvaient pas se cacher. La Toro Rosso de 2006, c'est la Red Bull 2005, et après, c'est à chaque fois les mêmes voitures que faisait Adrian Newey. Donc, les voitures sont identiques. Ici, je trouve quand même que l'AlphaTauri, il y a quand même beaucoup de concepts au moins aérodynamiques très différents de la Red Bull. Donc, j'arrive pas à voir à quel point... Il y a vraiment... Parce que la F1 a limité tout ça, justement, à cause d'eux. C'est-à-dire que À l'époque, il y a même eu jusqu'en 2009, ils avaient carrément la même voiture Red Bull. En fait, c'était le même travail qui était fait. Et après, ils adaptaient au châssis, etc. Maintenant, ils ont l'obligation de n'avoir que les suspensions, la boîte de vitesse, le moteur, et puis, et grosso modo, les écopes de frein, etc. Mais c'est tout. Donc, en fait, il y a quand même des limitations qui font qu'ils ne peuvent plus avoir le même concept que l'équipe. Après, ils peuvent effectivement faire ce qu'avait fait, à partir de maintenant, ils pourront faire ce qu'avait fait Racing Point, plus ou moins, en fait, qui était de copier un concept, mais on sait que ça ne marche pas forcément. Et finalement, AlphaTauri aurait besoin d'une structure complète pour fonctionner au même niveau que Red Bull, ce qu'ils n'auront jamais. Faut pas se leurrer maintenant. Il y a deux ans, on nous a vendu, même l'an dernier, on nous vendait l'équipe sœur et tout ça, que ça allait être différent et tout. Et en fait, c'est exactement pareil qu'avant. Ils sont la cinquième roue du carrosse. Et c'est vrai que moi, j'en avais parlé avec Gasly dans une interview. Je lui ai demandé s'il pensait que justement, avec le budget de cap et la volonté de Red Bull de faire d'AlphaTauri une équipe sœur, il pouvait enfin être au niveau de Red Bull. Il m'avait dit que non, de toute façon, il n'y aurait jamais une équité entre les deux. Et on voit qu'il avait raison. Et que ça a en plus influé sur la motivation. Et moi, j'ai tendance à penser tout simplement que l'an prochain, AlphaTauri va être dernière du championnat, que ça va être laissé à l'abandon et que fin 2022, pardon, ça va être revendu à prix d'or, parce que c'est l'équipe de F1, à Andretti ou je ne sais quel investisseur qui va vouloir reprendre l'équipe. Ou Calvin Lowe, parce que lui, il fait partie aussi des investisseurs potentiels de F1. Mais oui, non, mais... Voilà, mais pour moi, ça va finir comme ça, parce que de toute façon, on sent que Red Bull va vouloir... On sent déjà que Red Bull en fait se recentre à fond sur son équipe et ils ont raison. Ils ont l'équipe, ils ont le RB Powertrain à exploiter, hein, même si bon, il y a Honda et tout. Mais voilà, je pense que AlphaTauri c'est en train de passer au second plan, si c'est déjà fait. Et finalement, là où ils devaient être quasiment à égalité, ils sont déjà bien plus en retard qu'ils étaient il y a deux ans. Donc pour moi, c'est le changement. C'est ce qu'a dit Helmut Marko, hein, c'est que dans sa dernière interview, là, c'est que effectivement l'option de la vente d'AlphaTauri revient sur la table. Ouais. Et elle revient sur la table parce qu'il a rencontré le nouveau patron, puisqu'effectivement, voilà, Matešić étant décédé, c'est maintenant Minslav qui s'occupe des intérêts de Red Bull au côté sportif. Et donc chapeaute Horner et Marko pour la partie Formule 1, et Tost aussi. Et clairement, alors que la vente d'AlphaTauri était totalement écartée il y a encore quelques semaines, mais ça c'était les mots de Marko. Après sa réunion avec Minslav, c'est plus du tout le cas. Je veux dire que Minslav, s'il a envie de se recentrer effectivement sur une seule équipe, il peut le faire. Et ils le feront d'autant plus que le poids politique d'avoir deux équipes aujourd'hui n'est plus le même que dans le passé. Maintenant, il y a un système de gouvernance qui a changé avec Liberty Media. Il n'y a plus besoin d'avoir l'unanimité tout le temps. Et le fait d'avoir deux équipes n'a plus le même poids. Je veux dire en termes d'impact sur les décisions. Donc si Minslav peut récupérer, je ne sais pas moi, 600 millions, 700 millions, 800 millions, 1 milliard, bon, je ne pense pas qu'on ira jusqu'au milliard pour AlphaTauri, parce qu'il y a quand même un sacré déficit aussi d'infrastructure de ce côté-là. Mais s'ils peuvent récupérer un gros paquet d'argent, ils le feront. Même si Red Bull, ce n'est pas du tout une entreprise qui a besoin d'argent. Ils en dépensent tellement, ils sont tellement rentables et bénéficiaires. Ah, mais on ne crache pas dessus, hein. C'est ça, exactement. Et s'il y a d'autres projets à développer, ils le feront aussi. Donc, et même pas ça, c'est qu'il y a une pression. Il y a une pression aussi, je pense, de la part de la FIA, de la part de Liberty Media, en disant si vous faites rien de cette équipe, c'est une dixième place, c'est une dixième équipe. Il y a beaucoup de gens qui attendent derrière pour entrer en Formule 1, des grands constructeurs, des grands noms, qui ont envie d'être là sur la grille. AlphaTauri, si elle reste comme ça, une écurie qui est juste là pour faire le faire-valoir de Red Bull, porter un nom de marque de vêtements, qu'effectivement, bah, on. Après, moi, je suis pas fashion, je suis pas grand fashion, je sais même pas si on trouve facilement en vente dans des boutiques en France ou autre, ou même en Europe, j'en sais rien. Mais si c'est juste pour porter un nom de marque de vêtements et faire, je veux dire, ça n'a aucun intérêt. Il doit y avoir une grosse pression au niveau de la gouvernance pour dire, décider de ce que vous allez faire de cette équipe, quoi. Ça, vous en faites vraiment quelque chose qui peut aller chercher des podiums, des victoires, qui peut aussi avoir sa chance. Soit te vendez là des gens comme Andretti qui attendent, d'autres constructeurs, peut-être Porsche aussi. Porsche a peut-être envie peut-être du coup de venir avec sa propre équipe. Voilà, même si je pense que si Porsche décide de venir avec sa propre équipe, je pense qu'il n'y aura aucun souci pour qu'il y ait une 11e équipe en Formule 1. Je doute que la FIA, Liberty Media refuse à Porsche la volonté d'arriver avec sa propre équipe tout seul en F1. Mais voilà, l'avenir d'AlphaTauri est en train de se jouer en ce moment. Je pense qu'on saura plus courant d'année prochaine, mais. C'est peut-être ce feu vert-là aussi qu'attend Andretti. Hein. Andretti, ouais, mais... il a des mots très, très optimistes ces derniers jours en disant qu'il espère un cadeau de Noël. Donc, est-ce que cette vente d'AlphaTauri, ce n'est pas le cadeau de Noël attendu, quoi. Ouais, mais ça, alors, je suis désolé. Satori, j'ai ri quand Manu a évoqué Andretti, alors qu'on sait très bien qu'imaginons, voilà, ils se mettent d'accord pour une vente à 820 millions, par exemple, entre AlphaTauri et Michael Andretti. On sait très bien que le lendemain, Stefano Domenicali fera un chèque en surnom de 821 millions, juste pour faire en sorte qu'Andretti ne rachète pas l'équipe. Et qu'ainsi, il puisse avoir une équipe de F1 Academy, ou je ne sais pas, en tout cas, il barra la route, Andretti. Paul, tu allais prendre la parole pour dire quelque chose certainement beaucoup plus pertinent que. que mes propos. Ah, ça, je ne sais pas, on verra. Mais c'est vrai que l'un des intérêts d'AlphaTauri, c'était aussi de promouvoir les jeunes pilotes de la filière Red Bull. Et on voit qu'ils ont de plus en plus de mal en ce moment. Alors, il y a des bons pilotes en F2, mais c'est quand même pas tous les jours qu'ils sortent un super pilote de leur académie. La preuve, c'est que c'est Nick de Vries qui a été titularisé l'année prochaine. Et Tsunoda fait toujours pas l'unanimité après deux saisons. Donc, c'est, j'ai envie de dire, presque un intérêt en moins maintenant pour d'avoir ça, puisqu'ils ont de plus en plus de mal à sortir des jeunes pilotes. Donc, c'est vrai que tout ce qu'on a dit, et ça en plus, ça les pousse pas forcément à poursuivre sur le long terme, il faut voir. Mais c'est vrai que on voit leur pépinière est quand même plus aussi performante qu'elle était il y a encore quelques années. On voit pas encore le nouveau Verstappen, le nouveau Vettel, ça peut encore changer. Mais les portes se ferment de plus en plus. Et puis même pour l'équipe principale, ils ont appelé Perez. Donc finalement, ça a aussi remis leur système global en question. Donc il faut voir. À moins qu'ils ressortent beaucoup de talent dans les deux ou trois prochaines années, je crois que c'est aussi peut-être un modèle qui arrive un petit peu à sa fin. Ouais. Exo, c'est le bon truc. Si c'est Andretti qui rachète AlphaTauri pour éviter qu'on ait deux équipes sœurs, ça ne marche pas puisqu'il possède déjà McLaren. En tout cas, qu'il est déjà patron de McLaren. Donc, à un moment donné. J'ai exactement ce que dit Paul, c'est que l'avenir d'AlphaTauri est intimement lié à l'avenir de la filière de pilotes. Si AlphaTauri est revendu, la filière de pilotes disparaît, ou ça peut même être le contraire, parce que le modèle de Marco, dénicheur de talent, a maintenant 80 balais. Mintzlaff, il doit certainement aussi se dire qu'effectivement, c'est peut-être plus rentable d'aller chercher des pilotes qui sont en train de faire leur preuve directement en F2. Voire en F3, en descendant un petit peu, je crois que ce modèle-là, effectivement, il a vécu, surtout si derrière on peut pas amener des pilotes jusqu'en Formule 1, quoi. Je veux dire, Red Bull est une équipe maintenant tellement établie que on s'est rendu compte que c'est extrêmement difficile de faire débuter des jeunes qui ont peut-être une ou deux saisons d'expérience en Formule 1, quoi. Mais ils vont pas avoir 8 pilotes en F2 l'an prochain ou... Ils en ont 7. Mais après, il y a des pilotes soutenus, des pilotes filières aussi. En fait, tu prends l'historique des pilotes qui ont rejoint AlphaTauri et Red Bull dans les 10 dernières années, il n'y a quasiment plus de pilotes issus de la filière sans avoir été... Il y a eu finalement... Perez n'y est pas issu, De Vries n'est pas issu, Tsunoda, il est aussi poussé par Honda. Sinon, Marco ne l'aurait peut-être pas pris seul. Après, ça remonte à Kvyat et Verstappen. Alors, Kvyat, c'était le dernier vrai pur produit de Red Bull, parce que Verstappen n'en était pas un. Il y a eu Hartley, mais Hartley, Gasly. C'est pareil, il a été viré avant de revenir. Gasly, et oui, il y a eu Gasly qui est arrivé en 2017, c'est vrai qu'il y a lui. Mais bon, c'est Albon, pareil, il a été... Albon, c'est pareil, il a été viré avant. Donc, c'était plus vraiment un pur produit. Il est revenu depuis la F2 de chez Lams. Donc, finalement, on voit qu'en fait, l'investissement sur les jeunes pilotes ne doit pas rapporter grand-chose. Et je pense que le package complet de Red Bull sur la F1, c'est-à-dire aujourd'hui, avec deux équipes et une filière, est moins rentable en termes de retour sur investissement que le jour où ils auront juste une grosse équipe avec un ou deux pilotes soutenus en F2 pour voir si un jour ils ne peuvent pas en promouvoir un dans une autre équipe. Parce que finalement, quand tu joues le titre tout le temps, tu ne peux pas aller dénicher des talents sous les deux ans. On voit qu'ils ont besoin de stabilité. On voit que quand ils ont un pilote qui fonctionne, ils le gardent plusieurs années. Donc finalement... Moi, je pense que leur modèle arrive au bout et qu'ils sont aussi, eux, un peu à un carrefour d'exploitation, en fait, de leur modèle. Et je pense que ça va passer par la revente d'une équipe et pourquoi pas devenir sponsor d'une autre équipe après AlphaTauri pourrait très bien être sponsor de manière à placer un pilote quand ils en ont besoin, mais pas plus, en fait. Donc, Ouais, parce que c'est ce que je me dis. Faire disparaître la filière Red Bull au moment où les autres équipes ont toutes fait leur filière, c'est un peu... Oui, mais les filières... nulle part. Au final, la filière Mercedes, elle fonctionne avec un pilote tous les 5 ans. La filière Alpine, on a vu le fiasco que ça a été. Ouais, la filière Sauber Academy, ils n'arrivent pas à placer pour cher parce que Joe a signé. Il n'y a rien au niveau des filières. Il faut que Alpine crée une filière pour former les avocats, plutôt. Non, mais c'est ce que je me dis, c'est que du coup, t'as Isaac Hadjar, par exemple, aujourd'hui, qui est voilà, un talent et qu'on espère va éclore, mais C'est difficile, je pense, pour n'importe qui de voir déjà. Enfin, quand tu étais le pilote Red Bull, tu pouvais dire il y a toujours une possibilité d'aller chez AlphaTauri un jour. Voilà, bon, même si c'est plus trop le cas, mais tu sais que si tu es un vrai talent et que tu fais le job en F2, ils vont te mettre une place. Mais si l'équipe disparaît, on est tellement dans un carrefour maintenant où tu as la moitié des équipes qui ont signé un pilote jusqu'en 2025, 26, 27, 28. Tu sais pas, en fait, s'il va y avoir des places qui vont s'ouvrir en F1, quoi. Et puis c'est Red Bull, moi je dirais détendez-vous avec Isaac Hadjar, on a vu que Denis Hauger était annoncé comme le tueur et tout ça, et qu'en F2 il s'est effondré parce que la F2 c'est devenu championnat piège, c'est un championnat où il y a beaucoup de redoublants, donc c'est très difficile d'y briller, et au final en plus c'est un championnat qui est un petit peu en perte de vitesse aussi, et finalement il y a une filière Red Bull qui est déjà ultra pleine, et il faut se battre face à des Liam Lawson qui sont pas non plus les plus mauvais, mais qui ont aujourd'hui une cote basse, alors que Lawson, il a 20 ans, mais il a déjà une cote basse parce qu'il en est déjà à 2-3 ans un peu à ce niveau-là. Et en fait, c'est le piège. Hadjar, il a fait une bonne saison de F3, mais il va falloir arriver en F2 et convaincre. Et en fait, les pas à franchir sont énormes, et on voit que tous les pilotes Red Bull vont dire « Oui, celui-là, ça doit être le bon, il va y aller. » Bah, ils y vont pas. Le dernier, ça a été Tsunoda, et on voit que malgré le fait qu'il soit pas au niveau... ou en tout cas pas au niveau espéré, il reste 2 ans de plus parce que finalement, ils se rendent compte que promouvoir un jeune pilote qui n'est pas ultra convaincant chaque année, bah, ça fait juste que tu gâches un talent chaque année. Donc moi, je pense que il n'y a pas de bon équilibre à trouver. En tout cas, ils n'arrivent plus. Et de toute façon, ça n'a jamais vraiment fonctionné. Ils ont démultiplié les pilotes, mais il ne faut pas oublier que dans les années 2010, ils démultiplient les pilotes. Finalement, il n'y a que Ricciardo qui vient aider Vettel et prend la suite. Pendant qu'on jette Neil Gianni, Brendan Hartley, Alex Albon, Alguer Suari, Vergne, Buemi. Enfin, je veux dire, ça a été une essoreuse à pilote. Donc, Manu, arrête d'inventer des noms. Hein ? Arrête d'inventer des noms. Parce qu'on a existé, on a entendu parler d'eux à un moment donné. Bon, quoi. Mais donc, ouais, non, moi, bon, je suis vraiment. Je pense qu'ils se rendent compte que la filière, elle ne fonctionne plus. Moi, ça m'énerve, Manu, parce que personne ne parle jamais de Michael Amerbuller, le pilote allemand. niveau non inventé, celui-là, il est pas mal. Le mec a quand même réussi. Enfin, on a hypé un pilote parce qu'il a fait des bons résultats en AGP. On va goûter à ce moment-là, après. Hein, voilà, hein, c'était... Non, et je te rappelle qu'on avait hypé Kovalainen parce qu'il avait gagné la Race of Champions aussi. C'est vrai que ça, oui, ça c'était très très fort. Bah, mais il avait quand même battu. Il avait quand même battu Sébastien, mais genre, allez-y. Dans une ambiance explosive, bien sûr, au Stade de France. Nitra me dit Lawson sera plus là, il reste qui ? Daruvala nul, Iwasa intéressant, Hauger en perte de soutien, Fittipaldi. Non, mais voilà. Ça, c'est le problème en fait, c'est que avant, tu vois, les Gasly, tout ça, c'est pilote Red Bull parce que. Limite, Gasly, il avait des autocollants Red Bull à l'Autosport Academy, quoi. Ça, c'est une filière. Maintenant, c'est, ils trouvent un pilote, ils vont le prendre alors qu'il est déjà en F2, ils vont, enfin, voilà. Comme on disait Verstappen, effectivement, est-ce qu'on peut vraiment dire que Verstappen est un produit fier Red Bull ? Pas du tout. Ils l'ont signé juste parce qu'il commençait à avoir des résultats en F3 ils l'ont signé surtout parce que tout le monde le voulait et qu'ils ont mis un peu plus de chèques sur la table, mais c'est tout. Max Verstappen est un produit de la filière Max Verstappen, quand même. Hein. Enfin, Jos Verstappen, pardon. Jos Verstappen, oui, surtout. Il était en karting 2 ans avant la F1. Non, mais puis il est en karting avec des camions, des machins. Enfin, c'était. Le mec débarquait avec une équipe de F1 pour que le fiston fasse du karting. Finalement, ça a valu le coup. Moi, je me serais toujours dit, mais imagine, Jos Verstappen, comment il. Enfin, ce serait juste bouffer les mains si son fils avait juste été mauvais. Ça aurait fait Mathias Loda. Et puis, en fait, être jeune. Encore une fois, un nom inventé. On n'aurait jamais entendu parler aujourd'hui. On peut dire qu'être jeune pilote, ça ferme aussi des portes, paradoxalement, puisque je rappelle en 2018 ou 2019, Wall disait que 2018, que Ocon était stigmatisé parce qu'il était membre de la filière Mercedes et que les autres équipes ne voulaient pas l'accueillir simplement parce qu'ils savaient que ce serait qu'un prêt. Donc en fait, même paradoxalement, pour les jeunes pilotes, faire partie d'une filière, ça peut aussi fermer des portes pour une arrivée. En Formule 1. Parce que voilà, quand vous savez que vous avez un pilote Mercedes et que vous appelez Sauber, vous n'allez pas accueillir ce pilote, même si vous avez un maquette disponible. Xoris nous dit que Perez était filière Ferrari, il a fait toutes les équipes sauf Ferrari. Ça, c'est vrai que c'est très fort. Ouais. Il a plaqué Ferrari pour aller chez McLaren, ce qui était une connerie aussi, mais d'ailleurs, on parle de filière Ferrari. Quel résultat pour la filière Ferrari ces 5 ou 7 dernières années ? Charles Leclerc. Giovinazzi ? Ouais, Leclerc, voilà, c'est ce que j'allais dire. Mais à part ça, encore une fois, on voit que justement, t'as Leclerc qui fait le truc de A à Z, et lui, c'est le futur champion sur lequel Ferrari capitalise déjà pendant les 3 prochaines années. Mais à part ça, autour, c'est tout un écosystème de pilotes qui monte et s'effondre. Pour moi, c'est le fonctionnement d'une filière. C'est-à-dire qu'une filière, c'est tu prends toutes tes fléchettes, tu les lances, et puis t'espères qu'il y en ait une qui tombe au milieu. Ouais. Sauf que c'est des gens qui sont des détecteurs de talent. Je suis convaincu, parce qu'il ne faut pas oublier que de toute façon, Leclerc a aussi eu le soutien de Hart à l'époque avant d'être chez Ferrari, parce qu'il a quand même fait des très bons résultats avant d'être pris par Ferrari. Et c'est, en fait, c'est, si Ferrari avait eu 10 candidats en 2016, ils auraient forcément choisi Leclerc. Parce que tu ne choisis pas un Giovinazzi face à Leclerc. Donc la filière, est-ce qu'elle se justifie? Je ne suis pas certain. Quand il est signé à 13-14 ans, oui, mais quand il est signé qui sont déjà en F3... Oui, c'est moitié. Oui, ça, je suis d'accord. Mais après, je pense qu'il y a aussi des trucs où, effectivement, tu te retrouves avec une filière, t'as un budget qui est alloué, t'es obligé de montrer que ça marche. Quoi. Je veux dire, si t'as le chef de la filière, là, oui, bah, j'ai Leclerc, voilà. Et il n'y a que lui. On te donne quand même un budget de 5 millions par an, tu vas être gentil, mais tu vas le faire fonctionner. Quoi. Donc ça peut faire partie de ça. Franck, as-tu quelque chose à ajouter? Je vois que tu brilles. Non, je brille depuis tout à l'heure. Donc, c'est bon. Flop suivant. Oui, je ne sais plus. Est-ce que Paul, tu as déclaré ton premier flop? Je ne sais déjà plus. Moi, je suis. Non, c'est Alex. Moi, je n'en ai pas donné. Oui, c'est bah, vas-y, Franck. On arrive maintenant sur les flops. Moi, c'est pour un duo. Parce que sinon, on n'en parlera pas. Alpine et Alonso. Je mets ça dans les flops. Alors, pour le côté politique. Voilà. le côté politique de la saison, en fait. Voilà. Un top, effectivement, comme a dit Manu, pour la partie. Sportive d'Alpine sur la saison, mais la partie gestion de l'été absolument catastrophique sur les contrats, sur Piastri, ben voilà, on fait la transition tout trouvée avec les problèmes des filières. Voilà, c'est... Non, c'est bien amusé. Mais ça nous a animé l'été, effectivement. On était tous un peu bouche bée là, devant ce qui est arrivé, mais voilà, c'est un niveau d'amateurisme. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, hein. C'est de l'amateurisme à ce niveau-là, l'avocat surchargé qui n'a pas le temps de faire des contrats. Piastri qui devait aussi, je pense, un peu jouer aussi en sous-marin, la montre aussi pour pouvoir signer avec McLaren derrière. Enfin, je veux dire, ils se sont fait avoir comme c'est pas permis, quoi. Voilà, comme des bleus, voilà, on peut dire ça comme ça. Et puis, et Alonso le flop parce que voilà, ça n'arrêtait pas de. Dès que ça ne va plus. Dès qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas dans son sens, c'est la cata, c'est je n'ai pas le meilleur moteur, on ne me donne pas les meilleurs moteurs, ça casse toujours sur ma voiture, et puis une fois que j'ai signé chez Aston Martin, et ben voilà, je suis bien content de me barrer, ça n'aurait pas avancé plus que ça, je veux dire, c'est... Le seul top que je pourrais dire à Alpine sur le côté politique, c'est d'avoir su résister à ça, et de ne pas être rentré dans le jeu d'Alonso sur la fin de saison, et d'avoir résisté un petit peu à cette tempête Alonso qui a essayé de déstabiliser son, comme toujours, hein, voilà, il sème la terreur partout où il doit partir, mais voilà, pour moi c'est un petit peu un flop en duo pour la gestion, voilà, politique et du côté d'Alonso et du côté d'Alpine. Je pense pas qu'on ait besoin de revenir des heures là-dessus, on a déjà tellement épilogué là-dessus pendant l'année, mais je pense que ça méritait quand même un petit carton jaune de ma part. On rappelle que Fernando Alonso réussit quand même chaque année à pratiquer la politique de la terre brûlée sauf qu'elle ne brûle pas. C'est quand même très, très, très fort. Manu. T'as mentionné. Ah, pardon. Ah, vas-y, Paul. J'allais juste dire que justement, mon dernier top, c'était l'amateurisme d'Alpine F1 dans la gestion de ses pilotes. Donc, t'as exactement tout mentionné. Ou comment perdre finalement deux pilotes de grand talent quand même. On peut parler du côté politique, mais il faut quand même parler du côté en piste. Comment avoir trois options et ne s'en retrouver avec une seule, en fait, c'est-à-dire Ocon, et un pilote à mettre à côté. C'était quand même de l'amateurisme parce qu'on avait d'un côté. Ils s'en sortent bien quand même. Ils s'en sortent bien, Gasly. Ils s'en sortent bien. Après, on l'avait dit cet été, on n'était pas inquiet pour eux. On savait qu'ils auraient un deuxième pilote compétitif dans la voiture. Mais c'est vrai qu'au niveau de l'image, c'était catastrophique. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont payé le fait déjà d'une gestion catastrophique parce qu'au final, Piastri n'avait même pas de contrat, n'avait même pas un vrai contrat puisque comme l'a dit le contract recognition board, ils ont donné raison à McLaren puisque celui avec Alpine n'était pas valable. Et en fait, ils payent le fait d'avoir même pas su choisir. Et à trop vouloir, je pense, repousser les séances. Peut-être qu'ils ont fait l'erreur de dire à Alonso, après chacun est juge, c'est un an, et puis en gros, on verra l'année prochaine. Je pense qu'Alonso s'est dit, bon, moi, j'ai envie de rester encore 2-3 ans, je veux sécuriser mon futur. Et que Alpine s'est retrouvé, voilà, à ne pas savoir qui choisir. Mais le pire, ça a été pire que ça, parce qu'Alonso, ça a pris tout le monde de court, mais c'est ensuite d'annoncer Piastri titulaire, et Piastri qui dément sur ses réseaux sociaux, ça a été quand même ils avaient vraiment touché le fond pour le coup, c'est-à-dire qu'un pilote vous surprend en annonçant qu'il va chez Aston Martin, et l'autre vous dit non, je ne piloterai pas pour cette équipe, enfin en deux jours, ils ont quand même vécu un cauchemar absolument éveillé, Et comme tu l'as dit, ils ont bien rebondi, mais pendant un mois, c'était quand même un vrai désastre au niveau de l'image, quoi. Et Jack Dwan qui a voulu appeler, mais il n'avait pas le 06. Il avait dû contacter Laurent Rossi par Instagram. C'est prodigieux, ça, quand même. C'est premier truc, normalement, tu donnes ton numéro pour pouvoir interagir avec tes employés. Puis voilà. Et moi, je vais me faire un faux compte Lewis Hamilton, et puis je vais contacter Laurent Rossi en disant que je vais piloter pour Alpine, on va voir s'il mord. Yes, but you will need to put nextgenauto.com on the car. Ce site, I like a lot. Et tu lui envoies des photos de la Mercedes avec le logo photoshopé dessus. Tout à fait. Ah oui. Une fois qu'il t'appelle sur ton portable, tu lui dis bah, c'est bien, moi, t'as reçu la sonde, maintenant tu prends le numéro de téléphone portable des pilotes. Connard. Par contre, tu peux avoir l'interview. Oh. Bon, bah, on l'invitera pas non plus, lui. Non, bah, je pense que toutes les personnes de chez Alpine hein, sont plus très intéressées par venir chez nous. Si, Ocon, on dit beaucoup de bien. Si, oui, c'est vrai. C'est cool. Vrai. Il est très gentil. Pardonnez-moi. Manu, flop. Moi, j'ai commencé les tops par Lando Norris, donc je vais commencer les flops par Daniel Ricciardo. Hein, je veux dire par Lando Norris. On va pas tu aurais dû mettre Ricciardo encore plus fort. Il aurait dû écraser. Non, mais c'est Ricciardo. C'était plus une saison. Une saison, c'était un chemin de croix. Et ça a été à tous les moments où on pensait qu'il redressait la tête hors de l'eau, en fait, il replongeait juste derrière. On pense notamment au duo de course Monza-Singapour, où il fait vraiment son meilleur résultat de la saison. Et deux entrées dans les points quasiment sans la panne à Monza. On dit bon, bah c'est bon, c'est reparti. Et puis à Austin, il finit 16e après une course horrible. Il est à deux doigts d'être en larmes en interview. Enfin, c'était un cauchemar. Donc, je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Je pense pas qu'on comprendra un jour comment Ricciardo de 2018 et même de 2020 est devenu Ricciardo de 2022. Moi, je ne comprends pas par où c'est passé et comment il en est arrivé là. J'espère que la pause en 2023 va lui faire du bien. J'espère que ça lui permettra de revenir s'il le veut. C'est une vraie énigme, mais ça me rend triste parce que c'est un pilote qui a l'air adorable, qui est un vrai rayon de soleil dans le paddock et qui, je pense, quand il est dans une position de leader dans une équipe, on l'avait vu par le passé, est un monstre de performance. Mais quand il est dans cette... On voit quand il est dans un vrai cercle vicieux, il va au fond du gouffre et il attend de bien toucher le fond. Donc ça a été une catastrophe, ça a été une saison horrible. Ça a coûté cher à McLaren, mais avant tout, ça lui a coûté cher à lui et ça m'a un peu attristé de le voir à ce point-là en difficulté. C'est clair que c'était le gros flop de l'année et c'était difficile à regarder. C'est vraiment... C'était rude. En fait, quand en plus le pilote est extrêmement sympathique, on est tout de suite beaucoup plus... C'est tout bête, on ne va pas se cacher. Ça aurait été Lance Stroll, bon, on aurait dit oui, bon, voilà. Oui, mais Mazepin l'an dernier, ça nous amusait presque, parce qu'il y avait tout un contexte. Mais c'est vrai que là, Ricciardo, c'est horrible, parce qu'en plus, c'est un mec qui se force à garder le sourire, même quand ça ne va pas, mais tu voyais au fond derrière le sourire, il était au fond du gouffre. Quoi. Donc, c'est horrible, parce qu'il n'y a pas d'explication, ni pour lui, ni pour l'équipe. Alors, je sais pas si McLaren se délira un petit peu les langues, comme on dit en 2023 sur les problèmes de Ricciardo, mais là, actuellement, pour l'instant, même il est parti, c'est fini. Et la com, c'est il a tout donné, il a tout essayé, on l'a soutenu et on ne comprend pas pourquoi sur des grands prix il est à 1 dixième et sur des grands prix il est à 7. Voilà, c'est totalement ça, c'est de l'incompréhension totale et de Ricciardo et de son équipe. Et partir comme ça sans avoir compris ce qui va pas. C'est pas avec une année sur le banc de touche pour moi absorbé chez dans une équipe chez Red Bull en plus bon certes il aura du boulot à faire il y a du simulateur et des choses comme ça mais c'est pas si on le cantonne dans le rôle du joyeux de riz qui doit assurer les événements le marketing il va être vite catalogué comme ça. Et on va se dire, oui, c'est un gars qui sait pas se concentrer sur sa saison. Il paye, en fait, ses années à faire des blagues avec Carlos, avec Lando. Et puis, en gros, il sait pas bosser. Alors que je suis sûr que c'est un bosseur à côté. En tout cas, McLaren n'a pas démenti ça. Mais chez Red Bull, pour moi, je l'aurais plus vu chez Mercedes. Aller signer chez Mercedes, s'il pouvait. Je sais pas s'il a eu une discussion. J'aurais vu plus signer chez Mercedes, effectivement, aller se bourrer la gueule de technique à l'usine, au simulateur et compagnie, plutôt que faire du moite-moite entre du simulateur, du pilote de réserve d'un côté, je me repose de l'autre et je fais des événements marketing pour Red Bull. Quoi. Pour, après, moi, c'est pas la, pour moi, ce n'est pas la bonne manière de voir le remonter. Il a dit que lui, justement, il voulait un programme light pour voir en fait, si ça allait lui manquer. Donc, je pense que c'est clairement c'est compliqué, c'est une stratégie risquée, mais il a dit, en fait, si je vois que ça ne me manque pas assez, je ne chercherai pas à revenir en 2024. Et je pense qu'il y a une vraie possibilité que finalement, en 2023, il se rende compte qu'il faut qu'il tourne la page de la F1 et qu'il aille ailleurs. Et effectivement, il tentera pas un retour complètement foiré, déjà qu'il est sorti par la suite. Le problème, c'est qui lui donnerait sa chance, quoi. C'est ça que je voulais dire, c'est parce que s'il pense réellement qu'une année sur la touche, ça lui donne une chance en 2024, mais en 2024, ce serait revenir chez qui? Éventuellement dans une équipe comme AC1, à qui il a dit non, en fait, pour 2023, par exemple. Parce que après les deux années qu'il vient de faire, il ne va pas revenir dans un top team en 2024. S'il espère ça, je pense qu'il est assez naïf. Je demande presque s'il n'a pas fait à moitié une croix sur sa carrière de titulaire en Formule 1, sincèrement, parce que je comprends qu'il ait besoin de prendre ses distances, mais je pense qu'il aurait tout à fait pu renaître dès l'année prochaine en étant dans une équipe avec moins de pression. Effectivement, les problèmes ne sont pas explicables, donc je n'ai pas envie d'avancer parce qu'on n'en sait rien, si c'est un problème de philosophie avec McLaren, si c'est un problème vraiment avec la monoplace. C'est Button, j'avais écrit un article il n'y a pas très longtemps sur ça qui expliquait que lui-même avait senti des différences entre toutes les McLaren et les autres monoplaces. Est-ce qu'il y a vraiment un truc propre à cette équipe? C'est difficile à définir. Mais dans tous les cas, je pense que s'il voulait vraiment relancer sa carrière, il aurait mieux fait de signer chez AC1 ou tenter le coup chez Williams, par exemple, que de prendre une année sur la touche. Pour moi, il risque de s'enterrer définitivement en faisant ça. Comme c'est souligné dans les commentaires, il voulait vraiment un programme light pour l'an prochain, donc il doit avoir beaucoup de fatigue. Et cette image de joyeux drill et entre guillemets de gamin qui fait des bêtises, c'était aussi l'image qu'avait pu avoir Norris au tout début, hein, sa première année en Formule 1, et c'est une image qu'il a vraiment participé à changer en devenant finalement Dark Norris, en disant qu'il n'avait aucune compassion pour Ricardo en. Et donc, du coup, il a réussi à changer son image et à ne pas se laisser enfermer dans cette perspective, voilà, quitte à passer un petit peu pour être moins sympathique. Et je voudrais terminer par dire quand même que McLaren a été quand même dans le soutien à Ricardo, même si la situation était quand même catastrophique. Brown et Seidel ont quand même essayé de mettre les formes, à l'inverse, par exemple, de ce qu'avaient pu faire Red Bull, Horner et Marco avec Pierre Gasly quand ça ne marchait pas du tout. Donc, quand même, McLaren, ça a l'air d'être une équipe où il fait au moins bon travailler, où il fait au moins bon vivre. On le voit même avec Seidel qui part en très bon terme chez Audi. Donc voilà, il y a une ambiance qui est à des années-lumière de celle avec Ron Dennis, qui était vraiment lui le père fouettard. Voilà. Alors attention à Sergio Pérez, j'espère pour lui qu'il va vraiment bien performer l'an prochain, parce que sinon, voilà, on sait ce qu'a fait Red Bull avec Gasly. Ils ont peut-être une solution évidente sous le coude. On ne sait jamais. Hein. Je pense que voilà, Pérez, quand il a vu que Ricardo venait comme pilote de réserve, même si évidemment ce n'est pas une menace immédiate, il aurait été plus soulagé si ça avait été Iwasa ou je ne sais pas qui, ou Nick De Vries. Moi, je pense que Ricardo fait un all-in sur une course où il devra remplacer l'un ou l'autre l'an prochain et où il ferait de très belles performances. Je pense que, ou alors sur un effondrement de Pérez et une place évidente à prendre. Pour moi, il a que ça à tenter, parce qu'effectivement, s'il fait autant de marketing que de simulateur ou de test, il n'aura pas beaucoup de façons de se mettre en avant. Et je pense que, à mon avis, il tente un retour à la manière de Vries, quoi. C'est peut-être la raison pour laquelle il a rejoint Red Bull, c'est qu'il a en plus peut-être une double chance avec AlphaTauri. Il a potentiellement 4 pilotes à remplacer, là où chez Mercedes il n'en aurait que 2 par exemple. Enfin, bon, pas forcément en plus, parce qu'on sait que des fois entre équipes motorisées par Mercedes, on se prête les réservistes. C'est peut-être ce qui s'est dit, mais à voir. Moi je suis désolé, mais je me dis, si à un moment donné Ricardo il va poser ses fesses dans la Red Bull de manière pérenne parce que l'un des deux est parti, moi je trouve que c'est le hold-up du siècle. Hein. Je vois pas Verstappen partir en tout cas. Ah bah bon, de toute façon Verstappen il est jusqu'en 2028, c'est ça, hein? Voilà, c'est ça. Donc voilà, mais imaginons, il arrive effectivement dans cette équipe et Pérez se retrouve vraiment plein l'odeur de sainteté, parce que comme l'a dit le chat, il a volé le goûter de Verstappen à la récré. Si c'est Ricardo qui le remplace, moi je trouve que c'est un hold-up. Parce qu'aujourd'hui. Et en même temps. En fait, Ricardo ne mérite pas une place en F1. On parlait tout à l'heure de Pierre. Le dernier Ricardo qui a roulé en 2022 ne mérite pas sa place en F1. Comme Latifi, comme. Enfin, tu vois, je veux dire. Parce qu'il n'a pas été. N'oublions pas que si on applique la façon dont Toro Rosso et Red Bull ont travaillé en 2019, si Perez n'est pas performant, rien n'empêchera à Red Bull de promouvoir Nyck de Vries après une demi-saison en F1 aux côtés de son compatriote Verstappen. Donc, y aurait pire hold-up à faire, et il y a eu des hold-up qui ont été faits. Albon, notamment, a été promu très très vite. Ça ne s'avérait pas payant, mais ce que je veux dire, c'est que Red Bull ne serait pas une première fois, que ce soit à promouvoir De Vries ou Ricciardo, ce ne serait pas la première fois qu'on voit Red Bull faire une décision qui ressemble à un hold-up de la part du pilote et à quelque chose d'un peu improbable et insensé. Ouais, attention à l'ambiance entre Perez et Verstappen qui quand même se tendait en fin d'année aussi. Ouais. Et c'est sûr que s'il faut sacrifier Perez ou Verstappen, on ne va pas hésiter très longtemps. De toute façon, il y a forcément quelque chose entre Perez et Verstappen. Puisque c'est resté en interne, ça restera en interne, et ça a été dit que ça restera en interne. Il a ses raisons. Il y a quelque chose. Je sais pas si c'est enterré pour l'année prochaine ou si ça va ressortir à un moment ou à un autre. Mais si ça ressort, effectivement, ça peut être la fin du duo. Hein. Après, Franck, il a ses raisons et tu sais très bien qu'est-ce qu'elles sont. Et Verstappen te l'a expliqué. Donc, voilà. Je reste sur le discours. Les Mexicains, je l'aime pas, c'est un Mexicain, je l'aime pas. Marco, il a dit que Perez, il est habitué aux dealers et tout ça, alors j'aime pas, ça n'est pas ma vision du sport, voilà. C'est peut-être la raison, je ne sais pas. Il est peut-être complètement matrixé par Helmut Marco, on ne sait pas. Et ça restera en interne, donc on ne saura pas. Est-ce que ce sera dans le livre de Lewis Hamilton ? Il nous doit un bouquin encore celui-là. Donc. Dans le livre de Sergio Perez. J'aimerais avoir des bouquins à lire. Le livre de Lewis Hamilton sur la saison 2016, ce soit deux paragraphes. Et tout le reste, c'est son avis sur la F1 depuis. Ah, oh, je trouve que j'ai arrivé, ils ont mal géré. Les 300 pages comme ça, tu dis, bah merde. La vérité sur 2016, elle est où? Ce serait très mal. Deux paragraphes pour dire finalement ils s'entendent bien avec Rosberg et qu'en fait dès 2017 ils étaient de nouveau amis. Eh bien, c'est bon. Oh. On les a quand même vus faire du jet ski ensemble et tout ça à Monaco depuis. Donc je pense que la rivalité qu'on nous vend, elle est un peu moins réelle. Ah, mais Lewis Hamilton, je trouve qu'il arrive toujours à être vraiment proche des pilotes une fois qu'ils sont plus dans le domaine de compétition. Oui. Il était même proche d'Alonso. Bon, avant qu'Alonso soit Alonso. Mais Hamilton, lui, avait très vite enterré l'âge de guerre. Paul, el próximo flop. De la émission Gran Premio. Et tu n'as pas activé le microphone. Je l'ai réactivé. Je vais anticiper un peu, c'est pas le prochain, mais puisqu'on parlait de Red Bull, c'est peut-être plus un petit coup de gueule qu'un flop, mais je voulais parler des contrats à long terme en F1 qui, pour moi, sont problématiques. Et c'est peut-être un des seuls défauts, on va dire, des nouveaux règlements financiers qui permettent aux équipes de dépenser beaucoup d'argent justement sur les contrats. Et le premier justement, c'est le cas Max Verstappen qui a donc un contrat jusqu'à 2028 qui a été prolongé en début de saison. Et pour moi, c'est assez dangereux. Et par exemple, ce qui s'est passé au Brésil, le fait que justement Verstappen ne rende pas sa position à Perez, ça le met en position de force quoi qu'il arrive. Et j'ai peur qu'à terme, Red Bull puisse regretter de donner trop de puissance à son pilote. Parce qu'aujourd'hui, c'est Perez qui lui fait certes pas trop d'ombre, et on sait très bien que si en effet il y a un choix à faire entre les deux, on ferait tous le même, on garderait tous Verstappen. Maintenant, admettons qu'il a un nouveau coéquipier en 2024, qui a un contrat sur une base de 2 ans, c'est-à-dire jusqu'à fin 2025, et que ce nouveau coéquipier en question se mette à battre Verstappen sur les 3, 4, 5 premières courses de la saison. Je vous laisse imaginer l'ambiance en interne du pilote qui est là pour encore 5 ans, qui a priori a tous les pouvoirs, le plus gros salaire et la reconnaissance ultime de son équipe, qui commence à se faire battre et qui va commencer à poser problème. Alors, celui qui va battre Verstappen dans la même équipe, je ne pense pas qu'il va arriver en 2024, en 2025, je pense qu'il a encore de la marge, mais malgré tout, ce n'est pas un scénario à exclure. Et moi, j'ai peur qu'on ait donné trop de pouvoir à Verstappen en interne. Et la deuxième chose sur ce flop-là, c'est aussi le cas de Lando Norris, qui, voilà, on l'a souligné en début d'émission, qui est absolument brillant, qui était, je pense, peut-être avec Alonso, peut-être devant lui-même le meilleur pilote du peloton en 2022, mais qui peut-être, en signant jusqu'à fin 2025 avec McLaren, a priori sans clause de sortie en plus, a peut-être, alors en attendant de voir si McLaren pourra, malgré le retard avec la nouvelle soufflerie, produire une bonne voiture dans les années à venir, mais j'ai peur, c'est peut-être enterré un petit peu dans une équipe qui va rester engluée un petit moment dans le peloton. Donc voilà, c'est deux choses que je voulais souligner. Ces contrats à long terme, pour moi, dans le sport de haut niveau en général, ne devraient pas forcément exister. Un sportif, rien ne garantit que dans 5 ans, il aura encore le niveau d'aujourd'hui. Et dans le cas de Verstappen, c'est vraiment pour moi un problème de trop de pouvoir en interne. Et ce qui s'est passé au Brésil, pour moi, l'illustre parfaitement. Et je ne dis pas qu'ils s'en mordront les doigts parce que je suis persuadé que Verstappen, jusqu'à ses 31 ans, sera extrêmement performant. Malgré tout, les choses changent très, très vite en Formule 1. On ne sait jamais ce qui peut se passer dans un, deux ou trois ans. Et j'espère pour Red Bull qu'ils ne s'en mordront pas les doigts. Mais au pire, ce sera peut-être une leçon pour eux aussi. Je me souviens juste sur ce que tu viens de dire aussi. Sur, c'est Damon Hill qui a eu les mots justes là-dessus. Je crois d'ailleurs même que c'est toi qui a fait l'article, qui a dit qu'effectivement, suite au Brésil, Red Bull a perdu le contrôle de son pilote. Clairement, maintenant Verstappen, il va pouvoir passer tout ce qu'il veut, comme il veut. C'est, en gros, c'est moi le patron. Et puis voilà, si j'ai envie de faire ça, je fais ça. Et c'est comme ça, c'est moi le champion du monde, c'est moi qui ai le gros salaire, c'est moi qui latte tous mes équipiers au fur et à mesure que vous me les imposez. Et vous n'avez rien à dire. En gros, pour moi, Verstappen, hein, c'est lui le patron chez Red Bull. Et il faudra effectivement attendre un éventuel pilote capable de le battre pour soit le faire vaciller, soit le faire partir avant la fin de son contrat, sachant qu'il ne l'a pas caché, lui. Hein. Tout ce qu'il prend maintenant, c'est du bonus. Et puis s'il peut aller faire Le Mans, d'autres catégories, faire autre chose, ça ne gêne pas d'arrêter. Ça gêne pas d'arrêter à 32, 33, 34 ans. Quoi. Il n'est pas là pour faire 40 ans en F1. Quoi. Donc pour moi, ouais, effectivement, c'est aussi le flop un petit peu que j'avais aussi imaginé. C'est vraiment cet épisode du Brésil, ce problème de tension qui existe entre les deux pilotes, qui est véridique, hein, on ne peut pas dire le contraire. Même si Red Bull essaie de le camoufler en disant que c'est interne et ça restera interne, il y a quelque chose qui s'est passé, il y a quelque chose qui risque effectivement de déstabiliser Red Bull pour la suite. Et c'est peut-être pour ça aussi que Red Bull a signé avec Ricciardo. Qui sait, on sait pas, hein. Il y a peut-être aussi un petit côté assurance vie avec Ricciardo si Perez et Verstappen ça venait éclater l'année prochaine. Donc voilà. Après, sur la longueur des contrats, on peut comprendre que des sportifs soient attachés à une marque avec des gros enjeux, avec tellement de marques associées, de sponsors, de bonus et compagnie. Maintenant, Hamilton, il a toujours fait intelligemment, il a toujours fait sur 2 ans ou 3 ans, il n'a jamais fait sur 5 ans ou sur. C'est vrai que ça pourrait aussi se discuter. Quoi. Si je suis Valtteri Bottas, je dis non, enfin des contrats longs en Formule 1. C'est ce que vous voulez depuis très longtemps. Je savais pas que ça existait. Après, des renouvelables. Après, je pense que les contrats, on peut toujours les casser. Maintenant, les équipes ont tellement d'argent qu'on peut faire des indemnités de transfert. Voilà, je pense. C'est ça. Vas-y. Non, je serais pas étonné de voir un Norris, par exemple, partir rejoindre Seidel chez Audi, et pourquoi pas que ce transfert-là soit anticipé un an ou deux avant, et soit qu'il se mette en place pour le début d'Audi, parce que de toute façon, ils auront les moyens de payer la clause de rupture. Et voilà, après, pour Verstappen... Il n'y a pas de clause de rupture. Pas... Ça sera forcément bonne entente. Ouais, ce sera bonne entente et gros chéquier, mais ça, après Audi, ils auront les moyens. Oui. Donc, ça ne serait pas de souci. Et je pense que... Si vous voulez devenir l'ami de Manu, vous savez comment faire. On m'achète pour tout. Hein. À ton avis, Alex, pourquoi il a coupé les émissions? Bon, donné, on va proposer un pont d'or, je reste. Non, mais après. Alex nous dit si en plus tu as l'avocat d'Alpine, tu n'as pas de contrat. Et ça, c'est très bon. C'est vrai que Alpine n'a pas de contrat. Et du coup, est-ce que l'avocat d'Alpine a un contrat? Non, bah du coup, l'avocat d'Alpine a un top de la part de Paul alors. Non, mais après, ouais, pour Verstappen et ses pleins pouvoirs, je pense qu'il faut pas non plus voir ça comme une vérité absolue et définitive, parce que on disait la même chose de Vettel en 2013 quand il a enchaîné 9 victoires après avoir fait le multi-21 en début de saison. On disait que de toute façon Red Bull lui passerait tout et qu'il serait jamais remis en question en interne. Et la saison suivante, alors certes c'était de nouveaux règlements et nouvel équipier, mais il s'est fait battre. Et au final, il a vite quitté l'équipe. Donc, sans dire que Verstappen se fera battre l'an prochain, c'est pas exclu que d'ici 1 ou 2 ans, il commence déjà à changer de phase de sa carrière et que ça se passe mal. Ou voilà, ils sont jamais à l'abri d'une mauvaise saison ou d'une saison moins bonne. Et au final, je pense que là, actuellement, il est en plein pouvoir et effectivement, il a déjà trop de pouvoir. Mais je pense pas qu'il faille voir ça comme une situation définitive chez Red Bull jusqu'en 2028. Quoi. Oui, c'est ce que je dis, c'est que tant qu'il n'arrivera pas à avoir de coéquipier qui le battra, il se restera à cette position-là. Là, le cas Vettel s'est posé parce que Ricciardo s'est retrouvé face à lui et l'a tout de suite mis à l'amende dans la nouvelle ère turbo hybride de 2014. Effectivement, du coup, Vettel est allé voir ailleurs. Mais si Verstappen n'a personne en face de lui capable de le mater ou de titiller vraiment sérieusement sur la longueur d'une saison, jusqu'en 2028, il est tranquille. Hein. Pour moi, il n'a pas de raison de bouger. Quoi. Sauf si Red Bull se met vraiment à s'écrouler et que qui cherchent autre chose, mais je vois pas ça comme ça. Red Bull s'est jamais vraiment écroulé, hein. même après 2013, ils ont jamais été très très loin. Hein. Je vois, ça, oui, effectivement, mais faudra faire attention, parce que maintenant qu'on a avancé ça, il va être. Ça va être le centre de tous les transferts, Manu. Donc attention, hein, moi je vais proposer une exclusivité. Tu vas voir, ça va être quelque chose. Il est temps de couper cette émission. Est-ce que vous avez encore des flops? Parce qu'il y a plein de flops. Moi j'en ai encore. Moi j'en ai une pelletée. Moi je peux te dire la moitié de la grille des flops. J'en ai encore trois. Il n'y a même pas de la Tifi dedans. Mais est-ce qu'il y a vraiment Mohamed Ben Sulayem ou pas? Parce que est-ce que ça vaut le coup que je continue? Alors lui, c'est le flop d'or. Je comptais en parler à la Oui, il y avait un flop pour les... Mais je pense qu'il y a un flop FIA. Ouais. En général, là, je pense qu'il est généralisé. Pour la 14e année consécutive, on peut les applaudir. Direction bravo. Dans une émission qui existe depuis 2 ans, c'est très très fort. Je vais quand même souligner la déception qu'a été le début de saison, au moins d'Aston Martin, même s'ils se sont rattrapés. On en attendait quand même bien plus de cette équipe qui, voilà, selon Laurent Stroll dans Netflix, on allait voir ce qu'on allait voir. Et voilà, à l'inverse du CGA, ils sont venus, ils ont vu, ils sont repartis. Ils sont partis chez eux dans leur nouvelle usine. Ils n'ont pas encore sorti de terre, voilà. C'est vrai. Non, mais ils ont bien développé. Mais oui, la saison, ils ont un peu sauvé les meubles quand même. Parce que le début de saison avec leur voiture... catastrophique, là, putain, l'Australie, c'était, s'ils avaient fait comme toute la saison comme ça, c'était terrible. Il y a un petit flop pour Vettel quand même aussi dans le lot quand même. Oui. Faut quand même dire que sur l'ensemble de la saison, il mérite pas vraiment un top. C'est plutôt un flop. Pour non, mais sur la deuxième, moi, je l'ai trouvé très bon dans ces dernières courses quand même. Oui, d'ailleurs, t'as été un des seuls à donner une bonne note à la rédaction de Next Gen. Hein, ouais. Le bilan de Vettel est sorti ou va sortir? Il est sorti. Voilà. À part les 5 derniers Grands Prix, Alex a mis une bonne note et les autres non. Bah. Oui, mais c'est parce que moi je respecte la planète. Mais c'est ça. Lui, il ne va pas miner au Canada, donc c'est tout de suite autre chose. Non, mais c'est le problème, c'est que c'est uniquement une fois qu'il a annoncé sa retraite qu'il a commencé à faire des pertes, quoi. Encore des pertes, c'est pas non plus. Après, c'est souvent comme ça hein, quand on annonce qu'on s'en va, on t'aime mieux. Le jour où on s'en va, on va l'aimer. En tout cas, je note que autant en top qu'en flop, on n'a pas mentionné Mercedes. Leur année un peu. Ouais, c'est bah, tu peux pas. Enfin, c'est ni l'un ni l'autre en fait. Bah, en fait, tu peux pas le mettre en top parce qu'il mérite clairement pas à la rigueur pour être remonté, voilà, et avoir gagné un Grand Prix. Mais je trouve quand même que quand tu te respectes, t'as pas le droit de mettre ça en flop, sachant qu'ils font la saison que 80% du peloton rêverait de faire. Donc c'est exactement ça. C'est toujours compliqué. Un bon pour Mercedes ou Dimitra, tout à fait. Le format de notre émission ne marche pas. Il faut qu'on la recommence. Exactement. Allez, bonsoir. Non, mais cette année, on va vous faire les flops et les bofs de la saison. Je voudrais quand même mettre un mouet sur l'équipe technique. C'est une saison décevante selon leurs standards qui sont excellents. Exactement, voilà. C'est ça. C'est comme moi, je ne mets pas la Tifi en flop parce qu'on savait déjà que ça allait pas être fou. En fait, c'est exactement ça. C'est que Mercedes, ça veut être un flop parce qu'on s'attendait à mieux. Et après, c'est toujours relatif. C'est pareil pour Russell, c'est pas un top qui nous vient de manière évidente parce que pour nous, c'est pas une révélation qui soit excellente. Mais la Tifi, tu pouvais à rigueur dire, Manu, que tu ne t'attendais à rien et que tu es quand même déçu. Donc ça peut quand même être un flop. C'est toujours complexe. Mais donc voilà, moi je mettrais un... Bon, chacun va créer sa dénomination. Un peu mieux faire, un mi-chaud, mi-froid. Pour la Tifi, je mettrais un top pour son départ. Parce qu'enfin, une grille... oh, une grille absolument exceptionnelle l'année prochaine. Un top pour ne pas avoir décidé l'issue du championnat. C'est ça. Un top pour sa réaction au Secret Santa, je trouvais qu'il était voilà, très humain. Je l'ai pas vu encore. C'était paradoxal puisque fin 2021, on disait qu'il était en progrès et qu'il avait montré de meilleures choses. Ah oui. Non, mais il n'a pas du tout aimé les nouvelles voitures et ça a été une catastrophe. C'est ça. Un peu comme Ricciardo d'ailleurs. Un peu la même destinée parce que Latifi et Albon, des fois, c'était un peu serré. Bon, c'était pas serré très souvent, mais ça l'a été de temps en temps. Alors que Richard Norris était un peu 40-60, quoi. Le moment où c'était plus serré, c'est quand Albon a changé de nom, il s'appelait De Vries, donc... Il a quand même collé des points, donc. Il a quand même collé 2 points. C'est quand même, enfin voilà. Et après, Albon, il est revenu avec le Covid, enfin avec le Covid, pardon, avec l'appendicite, enfin les conséquences de son opération, et il a continué de le mettre à l'amende. Comme Zoanzi, oui, c'est ouais. Ça, on aurait des tops, des flops et des bois. Comme Kimi, parce que rappelez-vous l'an dernier, Kimi était encore pilote de Formule 1. Hein, c'est toujours le. Ah, oh, vous imaginez la F1 sans Kimi? Oui. Nous, on l'avait déjà vécu 2 ans. Alors, on avait eu la transition de 2 ans avec le fantôme de Kimi Räikkönen. C'est ce qu'on aurait dû répondre. Vous imaginez vraiment la F1 sans Kimi Räikkönen? Bah, tu la vois, connard, en ce moment même. Donc, qu'est-ce que tu nous emmerdes? Tu vois que ça se passe bien. Ouais, et le flop d'or, ouais, je pense que c'est unanime pour la FIA, mais bon. Là, c'est. Ah, le flop d'or pour mettre sous la YAM, moi je le mets, mais alors c'est... Ah, mais sans problème. Ah, c'est arrivé tard, en fait. C'est toute l'année, on était à dire ah, mettre sous la YAM, tu vois, il fait des changements, machin. Il a commencé pas mal, puis ah, c'était progressif. Puis alors, là, c'est arrivé, il remise des prix. Moi je trouve que là, il a été extraordinaire. Donc... Bah, il n'y a pas que MBS, hein. Il y a les acteurs de qui méritent. Hein. Ah, toute la FIA, oui, non, clairement. Mais tu vois, c'est comme chez Ferrari, on mettait tout sur Binotto parce que c'est le patron, c'est celui qui représente le truc. Heureusement que c'était pas une saison serrée. Heureusement que c'était pas une saison la 2021, parce que là ça aurait été catastrophique. Hein. Et moi je tiens du coup MBS aussi responsable de la continuation de cette fracture entre F1 et FOM, parce que c'était sous contrôle sous Jean Todt, parce que je pense sincèrement que Jean Todt réussissait toujours à un peu arrondir les angles, parce qu'il avait cette place vraiment au centre de l'échiquier, mais voilà, où il gérait plus le côté sécurité routière, lui, il avait fait vraiment un de ses chevaux de bataille pendant ses mandats, donc quand il revenait sur le sport, c'était plus pour poser les choses et essayer. Alors que MBS, lui, il est ultra agressif. Il est. Bah, il voulait affirmer qui était le patron. C'est ça. Voilà, il était à fond sur le sport, il voulait montrer qui est le patron, alors qu'on vous rappelle, on l'a dit pendant de nombreuses émissions, si la FOM s'en va, la F1 se casse la gueule, si la FIA s'en va, la F1 continue comme si de rien n'était. Donc, et voilà, c'est là où on a quand même. Mais, quand vous voyez les échanges avec Horner et Domenicali sur la scène quand même de la remise de prix, alors évidemment on peut ajouter un modulo MBS était-il rond comme une pelle, oui, enfin comme une queue de pelle, oui ou non, ça c'est voilà, c'est à voir, mais le truc où t'as Horner et MBS qui commencent à s'engueuler avec Domenicali derrière qui ne dit pas un mot, l'autre qui commence à dire non mais de toute façon la FIA c'est pas nous qui décidons et machin. Et Domenicali qui doit revenir dire « Non, mais s'il vous plaît, on est entre gentlemen quand même. » C'est quand même, au-delà de ça, il y a eu la gestion du directeur de course par la FIA qui n'a pas été terrible. C'est ça. Il y a quand même cette déclaration de MBS il y a quelques mois qui disait « Les pilotes d'aujourd'hui, ce n'est pas terrible parce que Vettel pense à l'écologie, Norris à la santé mentale et Hamilton à lutter contre le racisme. Et aujourd'hui, la FIA nous pond un truc qui envisage d'interdire les messages politiques aux pilotes. Donc, en fait, on se rend compte que ces déclarations qu'il avait à l'époque atténuées avec un semblant de communiqué disant « Non, mais vous en faites pas, ça, c'était un petit peu violent, mais il n'y a pas de souci. » Ben, en fait, non, il y a une vraie façon de gérer ça. Et là où c'est très inquiétant, c'est que quand tu vois les commentaires des gens, 90% des gens disent « La F1 interdit aux pilotes de... » Et en fait, tout le monde, encore une fois, c'est l'image de la F1 qui va être endommagée parce que la FIA... prend une décision pour... Alors, quelles que soient les raisons, moi, je pense que l'arrivée du Qatar au calendrier n'est pas totalement étrangère à ça. Et je pense que globalement, Ben Sulayem veut imposer une gestion à la FIFA, un peu comme le fait la FIFA. Et je crois que ça va faire beaucoup de dégâts et beaucoup de remous. Parce que là, on a vu même des gens, notamment, j'ai vu Will Buxton, qui n'a jamais été aussi subversif qu'aujourd'hui, et c'est vrai que lui, il défend le produit F1 et il a raison parce que, ouais, il était caustique et il dit que c'est très grave ce que fait la FIA. Il a lui-même demandé des clarifications à la FIA, au porte-parole, parce qu'il comprend pas ce que veut faire la FIA avec le produit F1 et notamment avec la liberté d'expression des pilotes, puisqu'on est passé de We Race As One en 2 ans à on ne peut plus parler de sujet politique. Qu'est-ce qu'un sujet politique, quelles sont les limites, etc. Ils n'ont pas encore tracé les limites, mais le fait qu'on en parle déjà comme une restriction est très dangereux. Donc, pour moi, c'est le plus gros flop de BSPM. Comment ? Et ça sort quand ? Juste avant Noël, quand tout le monde est parti en vacances, quand plus personne ne va pouvoir réagir. Voilà. Gros timing. C'est ça. C'était à peu près le timing avec lequel ils avaient fait... Non, le rapport sur Abu Dhabi 2021, c'était plus tard. Mais c'était pareil, c'était un timing un peu à la con, comme ça. Bah, c'était au moment de lancement de la saison, juste avant. Donc, en gros, on en parlait 2-3 jours, et après, hop, allez, on passe à autre chose. Quoi. Ah oui, c'était le jeudi du premier Grand Prix, c'est vrai. C'est exactement ça. Ouais, mais ouais, je trouve effectivement que là, c'est En fait, on est en pleine. Enfin, on ne sait pas s'il y aura vraiment une scission, mais. Mais tu vois, Cameron Wilfer dit pour que Will Buxton ne serre pas les bottes de la F1, c'est qu'il vraiment il s'est passé un truc. Et non, c'est la FIA. Son tweet serre les bottes de la F1 en FIA, ouais. Disant bien que c'est la FIA qui. Et tu vois, et on est clairement sur cette différence, c'est que tout ce que va faire la FIA va être catégorisé comme la F1 dit que, la F1 fait que, alors que ça n'a rien à voir. Et c'est tout le problème de Stéphane Domenicali doit réussir à mettre en place. Moi, je pense sincèrement que ça continue comme ça, ça va vraiment péter. Enfin, à un moment donné, c'est pas... Bah, au bout d'un moment, oui, la F1, comme tu disais, la F1 peut vivre toute seule, quoi. Elle peut avoir sa propre gestion, quoi. Après, on pourra toujours poser la question d'être jugé parti. Mais... Est-ce qu'un championnat de Ligue des Champions peut dépendre d'un championnat de National 2, quoi. C'est un petit peu la situation dans laquelle est actuellement plongé Liberty Media, voilà, qui a hérité d'une situation dans laquelle c'est une fédération qui, il faut quand même aussi le dire, hein, qui est sous-dotée et sous-financée. Voilà, c'est un risque politique lorsque vous avez votre image et une grande partie finalement de vos revenus qui dépendent de quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Et deuxième élément, c'est que qui est beaucoup plus dépendante de vous que vous ne l'êtes d'elle-même. Donc la situation, elle est totalement, le rapport de force, il est totalement en faveur ici de Liberty Media et de la FOM. Le seul risque qu'il prendrait, c'est que si jamais la F1 donc se dissocie de la FIA pourrait essayer de créer un championnat concurrent en parallèle en rameutant des investisseurs. Donc c'est peut-être ça aussi le risque qu'il faut prendre en compte. Mais voilà, au bout d'un moment, je pense que, voilà, il faut oublier que Liberty Media, c'est aussi une entreprise qui est cotée en bourse, hein, aux États-Unis, dont la plupart des investisseurs sont occidentaux et qui ont aussi, voilà, une image à défendre également à l'international. Voilà. Même si la situation n'est pas finalement aussi binaire que ça, puisque, on le rappelait dans un article d'aujourd'hui, Dominique Ali, lorsqu'il y avait eu des questions de boycott de Qatar et d'Arabie Saoudite, avait rappelé que l'heure n'était plus au boycott du temps où la F1 avait pu boycotter les Grands Prix en Afrique du Sud, du temps de l'apartheid. Voilà, c'est aussi la F1 qui a signé un sponsor titre avec Aramco et qui a signé des contrats de long terme avec le Qatar. Donc, peut-être qu'aussi Dominique Ellis, ça ne lui déplaît pas finalement de voir MBS jouer ce rôle de bad boy. Voilà, peut-être que la situation est plus ambiguë que ça sur ce plan. Mais sauf que du coup, le narratif de la F1, c'est de dire nous, on ne boycotte pas, on va dans ces pays pour rééduquer, entre guillemets, et ça nous donne déjà un rôle qui est quand même assez important en disant. Nous, on va éduquer comme quoi, en gros, on montre que c'est des choses qu'on ne peut pas faire, qu'on doit apporter une égalité entre les gens, une inclusivité, etc. Et du coup, ils te disent, on va sensibiliser les gens à ça. Mais sauf qu'à partir du moment où tu interdis aux pilotes de parler politique, qui va sensibiliser? La F1 ne le faisait déjà pas, parce que We Race As One, c'était une connerie. Ils n'exploitaient pas, eux, en tant que produit. Ils vont forcément annuler les cérémonies juste avant l'espèce de 2 minutes déjà qu'ils laissaient, voilà. Et si les pilotes ne peuvent pas le faire, les équipes non plus pourront pas le faire, parce que je ne pense pas qu'on puisse voir fleurir sur les carrosseries des drapeaux LGBT comme ça a été le cas depuis 2 ans. Et à mon avis, c'est justement, ça va à l'encontre de tout ce que Dominique Ali dit depuis 2 ans pour justifier le fait qu'il n'y ait pas de boycott et qu'on aille dans ces pays et que comme ça fasse quelque chose de social presque. Et là, aujourd'hui, s'ils font vraiment ça comme tu dis, le bad boy Ben Sulayem, mais ça tombe à l'eau. Parce que derrière, à quel moment ils vont faire autre chose que juste aller profiter du fric des promoteurs qataris et saoudiens et puis faire le dos rond pour accepter ça, quoi. Rental nous demande si le casque arc-en-ciel de Lewis Hamilton, ça rentre dedans, oui. Bah oui. S'ils décident que la propagande LGBT, comme c'est expliqué là-bas, est un sujet politique, parce que du coup, j'imagine que le promoteur pourra aussi donner des limites. On tombera sur comme le bandeau One Love à la Coupe du Monde, ce sera le Qatar arrive maintenant de manière pérenne au championnat du monde de Formule 1. Ce genre de décision n'arrive pas par hasard non plus. C'est ce que disait Vettel, hein, les droits humains ne sont pas de la politique, hein, tout dépend, on n'a pas la même. Chacun se place différemment, mais, effectivement. Même le comité olympique, duquel se réclame la FIA en disant voilà, nous, on ne fait que respecter la charte olympique puisqu'on est reconnu par le CIO, même lui fait finalement où s'arrête, où commence la politique quand le CIO est à l'origine de la création de la première équipe olympique des réfugiés en 2016. Est-ce que c'est un message politique? Est-ce que c'est juste un message de droit humain? Donc évidemment que la frontière entre les deux et parfois très flou. Et c'est sur cette frontière aussi sur laquelle les pilotes vont jouer. Il faut quand même aussi reconnaître qu'en termes de sports internationaux avec une telle exposition, la F1 était finalement peut-être d'assez loin le sport le plus libre. On avait eu par exemple Hamilton qui avait qualifié de terrifiante les lois anti-LGBT en Arabie Saoudite. Ça, c'était inconcevable de le voir peut-être dans d'autres sports, en tout cas à cette échelle, ou en tout cas par une figure aussi mondiale. Parce que la F1 peut-être aussi part d'une situation qui est très très élevée, très très bonne par rapport aussi à d'autres sports, et la volonté de la FIA, c'est simplement de faire autant, ni moins, mais ni plus que les autres sports. Il y a des choses qui font consensus, comme le réchauffement climatique, la diversité, ce genre de choses. Je pense qu'effectivement, il y aura pas de soucis à faire passer des messages. Ayant tout ce qui est LGBT, droit homme-femme. Après, là, je crois que ça dépend, même sur le côté environnemental, quand tu vois le casque de Vettel au Canada, qui parlait comme climate crime, enfin, tu vois, quand ils utilisent des mots très forts comme ça. Est-ce que c'est autorisé? Parce que Laurent Taudi, il pourrait le mettre à Spa, mais pas au Qatar, en Arabie Saoudite. Non. Parce qu'à partir du moment où tu le mets, même si tu le mets en Belgique, en Espagne ou ailleurs, ça reste un statement qui peut être vu comme politique. Enfin voilà, la FIA apparemment veut vraiment... En tout cas, avec le départ de Vettel, ils vont pouvoir climatiser le circuit du Qatar. Tout à fait, ça serait bien. Ce serait très bien pour les pneus qui ont vraiment une difficulté. Voilà. Non mais tu vois, c'est tout con, mais effectivement, on parle de tout ça et c'est comme toujours... On sort de la Coupe du Monde au Qatar, ça a fait du bruit effectivement au début, tous les soucis et tout le boycott, tout ça, et puis finalement voilà, on a terminé la finale et tout le monde est en train de se gargariser sur c'était la meilleure Coupe du Monde de tous les temps, machin bidule. Ouais. C'est des choses où c'est on sait que voilà, la F1 veut dire qu'on y va pour changer les choses, on sait que ça n'est pas le cas, enfin soyons malheureusement honnêtes deux secondes, si tu veux vraiment changer les choses, tu organises une marche des fiertés en amont de la course. Là, tu changes les choses. Ça évolue un petit peu. En Arabie Saoudite, ça évolue un peu. Tu vois, les femmes qui ont maintenant le droit de conduire, genre de choses. Enfin, à notre échelle, ça sera la politique des petits. Ça sera la politique des petits pas. Mm. Évidemment, on ne va pas demander du jour au lendemain d'un pays de passer de la dictature à la démocratie pure. Et sachant qu'en plus, ça peut rebasculer dans l'autre sens. On voit bien ce qui se passe en Russie. Hein, voilà. Donc, et moi, tu vois, rien n'est gagné en fait. Par exemple, un pilote qui arbore l'arc-en-ciel sur son casque. C'est prouver son soutien à une communauté qui est clairement discriminée sur place, et c'est pas un message politique, parce que c'est juste un soutien d'égalité. Je veux dire, c'est juste dire cette communauté-là doit être traitée comme les autres. Et si ça c'est politisé et que c'est interdit, on en vient à pouvoir interdire toute forme de message qui serait humaniste. Et là du coup, on en vient à interdire ce que la FIA dit aujourd'hui. Non, on n'interdira pas. Mais en fait, tant qu'il y aura pas un cadre précis, si tant est qu'il y en ait un. Il y aura toujours le risque d'une dérive énorme qui consisterait à vraiment interdire tout message, y compris de soutien tout bête. Et typiquement, le no war en Ukraine qu'on a eu cette année, qui était à Bahreïn, on ne l'aurait pas, on n'aurait pas les drapeaux arc-en-ciel, on n'aurait pas des trucs climatiques, on n'aurait plus rien. En fait, on aurait quelque chose où tout message jugé comme politique est interdit. Et je suis désolé, c'est exactement ce que la Coupe du Monde de Qatar a voulu faire. Donc, si la F1 le fait, alors après peut-être que d'autres promoteurs pourront se faire un pas vers la F1 en disant nous on l'autorise et on l'encourage, mais ça j'imagine que ça viendra plutôt d'autres manches que celle de Qatar. Désormais la F1 est devenue un sport véritablement mondial et de moins en moins européen, et des messages qui nous semblent nous politiques et consensuels ne le sont pas du tout dans d'autres régions du monde, et se sont perçus, voilà, c'est toujours c'est même perçu comme de l'arrogance d'un Occident qui voudrait imposer ses valeurs dans d'autres pays qui ne sont pas du tout, voilà, qui ne seraient pas du tout universels, mais simplement le reflet d'un certain continent. Voilà, c'est un débat entre voilà, l'universalisme des valeurs ou leur relativisme, voilà, qui dépasse finalement la Formule 1. Il faut peut-être aussi raison garder et pas trop mettre une charge importante sur les pilotes qui restent avant tout des pilotes, et ce n'est pas leur rôle forcément à eux de vouloir changer, d'avoir un rôle à ce point positif. Ils font déjà beaucoup de choses, mais c'est vrai que c'est bien aussi de les voir montrer de la personnalité. Moi, je pense sincèrement que le mois de Coupe du Monde qu'on vient de vivre montre clairement quelle va être... Enfin, c'est le template que vont suivre toutes les fédérations qui vont aller justement dans ces pays-là. Enfin, je rappelle, il y a quand même Arsène Wenger qui est l'ancien coach Arsenal et qui lui est en charge du développement en fait à la FIFA, a quand même dit que si des pays perdaient, par exemple l'Allemagne a été éliminée au premier tour, tout ça, c'est parce qu'il s'était plus concentré sur des manifestations politiques que sur la compétition. Donc, lui a déclaré que le brassard One Love était une manifestation politique. Donc, ça ouvre la porte à ce que tout le monde le considère. Enfin, voilà. Moi, je pense que la FIA se met effectivement, Manu, dans un système de dire on va dire que tout est politique, comme ça, au moins, il n'y aura aucun risque de débordement, quoi que ce soit. Donc, voilà. Si on suit cette logique, ils n'auront plus le droit, par exemple, McLaren, de faire des opérations avec Mind pour récolter des fonds pour lutter contre les maladies mentales comme la dépression. Donc, on en vient à une vraie privation de quelque chose qui pourrait pourtant être très important. Et c'est là où, pour moi, c'est une connerie pure, parce que finalement, déjà, ça veut dire qu'ils mettent tout sur le même plan, et ça, Ben Sulayem l'avait montré dans sa déclaration pourrie, là où justement, il citait Hamilton, Vettel et Norris comme l'antinomie des anciens pilotes qui, eux, ne voyaient que la course. Et en fait, c'est vraiment des dérives énormes qui sont possibles. Et la F1, qui en fait essaye depuis 2-3 ans de communiquer très positivement sur tous ces sujets-là, va se retrouver muselée sur une com qu'elle a lancée elle-même. Et au final, je vois pas comment ça peut cohabiter, parce que j'ai du mal à penser qu'ils vont juste laisser couler. Ou alors vraiment, ça veut dire que la FIA a finalement beaucoup plus de pouvoir qu'on le pense face à la liberté média. C'est ça. Merci énorme à Anna Honer qui vient de nous faire un petit raid comme ça, 81 personnes qui arrivent et qui nous découvrent. Et merci du coup. Bravo à Fils de Flûte, parce que du coup, tu arrives tout de suite directement, tu es parfaitement dans l'ambiance en termes de pseudo. Donc bravo Fils de Flûte qui nous dit « joli pull ». Bah oui, écoute, on s'est mis, c'est les fêtes, il semblerait. Donc on s'est mis pour cette dernière de l'année. Joli pull et jolie guirlande pour Franck. Et jolie guirlande qui s'allume pour Franck. Hein, c'est encore plus impressionnant quand il est à la lumière chez lui, rendez-vous compte. Et que le bonnet... Mais rassure-moi Franck, tout ça marche à pile. Hein, tu ne branches pas ça sur... C'est très bien, parce que je m'en serais... Sur 220. Non mais je m'en serais terriblement voulu, tu vois Franck, qu'un village du Doubs n'ait plus d'électricité parce qu'on aurait trop tiré dessus. On en éco-watt vert. Non... Ah bah si on est en éco-watt vert, alors tout va bien. Hein. Oui, mais ça aussi, les éco-watts, il y a plein de couleurs. Est-ce que c'est un message politique? Est-ce que oui ou non? Ah, si le casque d'Hamilton est un message politique, est-ce que les éco-watts de toutes les couleurs sont également... Que signifie l'éco-watt arc-en-ciel? Tout va. On ne sait plus mettre quelle couleur, tout va bien. Le bonhomme de neige sur ton pull, Michael, c'est un appel au réchauffement climatique ou pas? Exactement. Et rendez-vous compte, ils ne seront plus là l'an prochain. Faites des dons. C'est important. Parce que la Fondation Michael Duforest en fait a fait de tels résultats en 2022 qu'elle va pouvoir se diversifier, contribuera désormais au bien-être de Michael Duforest et des bonhommes de neige. Greenwashing. Voilà, c'est du très greenwashing. N'empêche, je suis très content parce que j'ai au moins un truc qui fait Aston Martin 2023, donc déjà voilà, je suis déjà c'est vert, donc, ça marche très bien. Donc ça c'est déjà correct. Paul également est extrêmement bien habillé pour voilà, supporter. Mais en même temps, c'est normal, puisque Paul, tu as eu évidemment tout le merch Aston Martin. Ça t'arrange qu'il soit passé chez Aston Martin et Alonso, parce que soutenir Alpine Group Renault d'un côté et bosser chez Peugeot de l'autre, c'était pas évident quand même. Excellemment bien, donc écoute. Ton avis, pourquoi est-ce que la voiture d'Alonso est toujours des problèmes techniques? À un moment donné, j'ai Parce que là, un moteur Peugeot. Non, mais tu vois, il y a des trucs qu'on peut dire, hein, on peut blaguer, machin. Mais il y a des choses, moi, qui me mettent hors de moi. Avec Renault, tous les jours, un bruit nouveau. Voilà. Et avoir des chroniqueurs qui se complaisent en manifestations politiques comme ça, moi, je trouve que c'est honteux. Donc, c'est ça. Comme slogan, si tu pars en Renault, tu reviens en plateau. Donc là maintenant, oui, bon, de toute façon, on n'avait personne de... Même Ocon ne va plus venir, vous vous rendez compte maintenant. Ouais, c'est vrai. Là, on a perdu le dernier. Renault. On s'est fait tout le groupe Renault, donc quoique, vu qu'on est méchant avec le groupe Renault, ça peut motiver Carlos Ghosn à venir nous raconter son histoire pour la 240e fois seulement. Hein, vous pourrez enfin... Ce serait pas mal. Je sais même pas quel exclu on pourrait avoir. Genre peut-être le code de la malle, je ne sais pas. Il y a forcément un truc qu'on pourrait avoir en plus que les autres, mais là je ne sais plus. À un moment donné, là, ça devient trop complexe. Est-ce que vous avez encore des petits flopinous où est-ce que nous allons pouvoir prendre congé. J'ai des petits flopings rapides. J'ai Perez et Sainz qui se sont pris quand même une giga rouste par leur équipier respectif malgré des saisons pas si mauvaises. Voilà, je trouve que Leclerc et Verstappen, ils ont quand même vraiment mis à leur place et ça, pour moi, ça justifie largement dans un cas comme dans l'autre que l'un et l'autre soient numéro 2. Même si chez Ferrari, du coup, ça a été totalement pas flou. Et le petit flop que je voulais adresser et qui m'embête un peu quand même, c'est celui à Gasly, parce que je trouve qu'il s'est fait un peu bouffer par Tsunoda par rapport aux saisons précédentes. Et en fait, j'ai un peu peur pour lui, parce qu'il va arriver dans une nouvelle équipe en ayant été inquiété par Tsunoda face à un mec qui a réussi à se défendre face à Alonso. Et pour moi, les dynamiques actuelles sont clairement en faveur d'Ocon. Alors après... à confirmer l'an prochain, mais c'est vrai que la saison de Gasly, même si je sais très bien que c'était essentiellement à cause du manque de motivation liée à la situation de l'équipe, ce que je peux comprendre, puisque de toute façon, il a gueulé pendant une demi-saison pour avoir des évolutions, puis bah, je pense qu'il s'est juste fatigué. Mais c'est vrai que malheureusement, Tsunoda était quand même pas super coté, et en même temps, il arrivait à faire le jeu égal sur pas mal de résultats, donc je pense que ça n'a pas aidé, c'est pas forcément une façon qui le permet de partir avec une cote. En tout cas, il part pas avec une cote aussi haute qu'il avait il y a 2 ans. Quoi. Mais c'est ce qu'on disait pendant la saison aussi. C'est avant que la place chez Alpine ne se libère, c'est combien de temps pouvait-il encore résister à... Sa cote ne pouvait faire que baisser après le niveau qu'elle avait atteint l'an dernier. Donc c'était compliqué. Franck, c'est ça. Et Flopinou. Non, pas spécialement. C'est très bien d'être positif, tu sais. C'est beau. Non, après on peut mettre un petit flop général sur le fait qu'on a eu un manque de comment dire un manque de spectacle sur la fin en championnat, mais voilà, ça c'est tout le monde, ça c'est. Et puis avec des saisons qui font c'est ça, avec une vingtaine de courses, c'est compliqué quoi. Tu peux la logique est que le truc soit plié avant, hein, c'est ça. Bon, j'aimerais même pas mettre de flop sur les sprints, tu vois, parce que le dernier sprint m'a réconcilié avec les sprints. Donc, s'ils sont vraiment bien choisis l'année prochaine, ça peut être vraiment sympa. Il y a eu à boire et à manger dans les sprints, je trouve. Voilà, c'est ça. Je pense qu'il y a. Bon, puis de toute façon, la FIA qui dit non, on n'en veut pas plus, machin, ça nous coûte trop cher. Quand on sait qu'ils récoltent je ne sais combien de milliers d'euros par point marqué, ça leur fait je ne sais combien qui rentrent dans les caisses en plus à la fin de la saison. Il est bien content, Ben Sulayem, d'éponger ses 20 millions d'euros de dettes, voilà, qu'il a découvert apparemment en arrivant le lendemain de la fiesta du gala de l'année dernière. Bon, voilà, j'ai toujours un petit peu de mal avec ce genre de déclaration, mais voilà, c'est. Non, après, voilà, je pense qu'on a vraiment fait le tour. Voilà, on aurait peut-être pu citer aussi un petit flop pour Mick Schumacher, je pense aussi. Et pour la gestion de ACF1 de Mick Schumacher aussi, voilà, pour moi, c'est les deux ensemble. Parce qu'il a pas fait une grande saison, Mick, mais il a quand même vraiment pas été mis dans les meilleures dispositions pour performer, il faut quand même le dire. Il méritait mieux quand même, je pense. Bon. Et ouais, puis Latifi, c'est hors catégorie, quoi. Tout le monde se demandait quand est-ce qu'il allait dégager. Bon, ben voilà, c'est fait, quoi. Mais moi, je lui mettrais presque un top parce qu'on a annoncé 18 fois son limogeage. Il se fait remplacer, puisque le Canada, ça devait être son dernier Grand Prix. Hein. Enfin, à la base, c'est il n'avait même pas aller jouer au Canada. Et finalement, bah, il a tenu jusqu'au bout. Allez, nous dit le dépassement budgétaire de Red Bull. Ah, mais ça... Ouais. Ça, c'est... C'est un flop 2021. On le mettra en flop 2022 quand il sera avéré l'an prochain pour cette année. C'est... Moi, je mettrai un dernier petit flop sur l'organisation de certains grands prix et certaines personnes dans le public, notamment en Autriche, qui ont eu des comportements un petit peu déplorables, ou même sur la logistique, le fait que les grands prix aient fait le plein sur l'affluence est génial, mais parfois il y a eu beaucoup de retours sur certains grands prix. En Espagne, En Espagne, voilà. Alors, je ne parle même pas d'Interlagos, où c'est habituel, où les gens ont eu vraiment du mal de sortir des circuits. Donc, voilà. Sans parler de l'ambiance parfois sur certains réseaux sociaux. Donc, il y a aussi une rançon du succès à la Formule 1 sur cet aspect-là. C'est d'autant plus dommage de vouloir finalement taire les messages sur la santé mentale lorsqu'on a tant de problèmes de cyberharcèlement qui reviennent dans l'actualité et pourrir le quotidien de certaines personnes. Voilà, pour eux aussi. Je pense que les circuits aujourd'hui ne sont pas adaptés, enfin, une bonne partie des circuits ne sont pas adaptés, ne sont pas des arènes de sport, donc du coup, forcément, pour l'accueil des spectateurs, quand ils sont aussi nombreux, c'est plus... c'est plus compliqué. Par contre, un gros flop pour ces connards qui ont un comportement ignoble, ça, on est d'accord. Paul, qui était flopine. Vas-y, Franck, pardon. Non, juste, c'est juste le problème aussi du renouvellement de l'audience. C'est qu'effectivement, grâce à Netflix et Drive to Survive, on a récolté beaucoup, beaucoup de fans beaucoup plus jeunes. Et tant mieux pour le vivier de fans de la F1 et relancer le sport. Mais effectivement, on a aussi récolté tous les problèmes qui vont avec. C'est-à-dire la génération réseaux sociaux qui se permet de critiquer, de harceler, parce qu'il y a l'impunité derrière l'écran. Quoi. Et donc, il faut aussi gérer ça. Donc, voilà, il va falloir... apprendre à le gérer aussi, en Formule 1. Et Paul, t'es floppy. Moi, c'était pas vraiment un petit flop, mais peut-être plus un petit regret sur la saison. Alors, encore une fois, ça devrait changer avec les règlements, mais c'est vrai qu'un podium pour le peloton cette année, c'était un petit peu... Il nous a manqué un petit peu ce qu'on avait vu en 2020 avec la victoire de Gasly à Monza, ou en 2021 avec la victoire d'Ocon en Hongrie, ou de Ricciardo à Monza. Je crois qu'on a vu 13 pilotes différents sur le podium en 2021, 7 cette année, dont un seul pour l'excellent Lando Norris. Donc voilà, en espérant vraiment que la saison 2023 nous offre un peu plus de variété, qu'on ait 3 top teams à l'avant. Moi, je pense que je signe pour ça. Il n'y a pas de souci si les 3 équipes peuvent se battre pour le titre. Par contre, ouais, un petit podium de temps en temps pour McLaren, Alpine ou même Aston Martin, voilà, de voir des équipes progresser, ramener d'autres trophées, c'est vrai que ce serait un truc vraiment sympa et ça validerait que les règlements fonctionnent en plus. Donc ce serait une bonne chose. Moi, je valide le top de Nitram dans le chat. Gaëtan Vigneron, qui est un top à vie, on le rappelle, bien sûr. Et en flop, eh bien, toutes les personnes qui n'ont pas pu écouter Gaëtan Vigneron cette année, aux commentaires. Je suis un flop, alors. En Espagne, je ne peux malheureusement pas bénéficier de ces commentaires. Et oui, Gaëtan Vigneron, est-ce qu'il a pu s'écouter, lui? Ah, écoute, comme à aucun moment, je n'ai entendu dire... Écoutez, Bruxelles, juste par contre, je m'entends dans mon casque, donc non, je pense que je ne sais pas écouter cette année. Ça a dû bien fonctionner. Je me remercie moi-même. Paul, on a que oui, tu n'as pas accès à F1 TV en Espagne. Je pense F1 TV Pro, en tout cas. Non, il n'y a pas F1 TV Pro en Espagne, en plus. En tout cas, ça n'existe pas encore. Moi, j'ai fait une masterclass, hein, puisque j'ai fait quand même 3 déplacements... Italie, Japon, Bahreïn, il n'y a pas F1 TV Pro dans les 3. Hein. Donc comme ça, au moins, c'était très bien. C'était parfait. Mais voilà, non, c'était encore une saison sympathique. Le top, c'est quand même qu'il n'est plus à commenter. Il n'y a pas Norvégienne. Ça, franchement. Le code gratuit pour 4 mois avec le code Racing Café. C'est un truc terrible. Enfin, ça, c'est quand même... comprendrai jamais, hein. mais c'est très fort ce qu'il arrive à faire à chaque fois. Et on propose un code 8 mois gratuit et le reste de à vie à moins 92%. Oui, d'accord, mais comment ils font de l'argent? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça va. On les salue. D'abord, nous avons dit en flop pour mettre le Grand Prix du Japon. Voilà un peu ce que vous avez proposé, vous, dans le... Ben non, c'est la FIA. Hein. Ouais, on signale Théo Pourchaire en tant que commentateur. C'est vrai que lui, là, autant... C'est con, mais sa meilleure perf de l'année, pour moi, c'est Austin. Mais pas les essais libres, hein, le Grand Prix. Plein de belles petites choses à retenir de cette saison, des choses un petit peu rebelles, mais globalement, bon, voilà, on n'est pas revenu dans les saisons affreuses à suivre qui étaient 2002-2004. J'en mets un Nils Wittich aussi de flop, parce que ne pas écouter les pilotes sur la sécurité, c'est la plus grosse des conneries. Oui, mais à un moment donné, lui, il a autorisé le mur comme ça, il l'a homologué, donc merde, hein. Il sait quand même mieux que le mec qui se prend 50 AG. Après, ouais. C'est vrai. Le circuit va quand même être modifié. Hein. Puis moi, au final. Moi, je ne veux pas dire. Plus mais... important de... C'était plus important de lutter contre les bijoux de Lewis Hamilton. C'est ça. Et moi, je reste quand même toujours aussi attristé par les effusions de joie de Max Verstappen quand il gagne le dimanche. 61 AG, ça ne passe pas, mais 51 AG, ça passe crème. Bon, voilà. Pas de soucis. Ouais. Et le flop d'or sur les slips non ignifugés portés par certains pilotes. Aussi. Donc, pas en fait. les pilotes qui font pipi dans leur combinaison dans un slip ignifugé qui est épais comme ça, ça doit être bien. Ça doit être vraiment bien pendant le Grand Prix. Après. Cette saison a été bizarre pour qu'on en mette des flops pareils quand même. Non. Laurent, on t'a dit petit flop à la piscine de Miami. C'est une marina, une piscine, honnêtement, c'est une flaque d'eau. Hein, donc, c'est une flaque de bois, surtout. Une flaque de bois, oui, c'était extraordinaire. Mais oui, mais c'est ça le souci de cette saison. J'ai l'impression que c'était il y a 4 ans. mais c'est arrivé en mai. Totalement. Là, c'était vraiment oui. 7 mois. Mais c'est, voilà, il s'est passé tellement de trucs depuis que on a du mal à se... Depuis, Verstappen a remporté 82 courses, je crois. Ben oui, oui, oui. Non, non, c'était... Bah donc du coup Alpine arrive au bout de son plan de 100 courses alors. Quasiment l'an prochain. Ah non, 20 courses il reste, ce sera donc dans un mois et demi. Ce qu'on vous rappelle, parce que voilà, c'est la dernière de l'année, donc on va vous laisser. Mais on se retrouve très vite évidemment, parce que la FIA reprend dès le 4 janvier, bien évidemment, avec les premiers essais de la saison. Avec 3 sprints et une course. Voilà. On se retrouvera le samedi pour les 12 sprints dans la même journée, ça va être extraordinaire à suivre. Et puis on vous fera une émission bilan à la mi-saison le 4 mars, bien sûr, pour cette belle saison 2023. Alors, mais rassurez-vous, à la mi-saison de la mi-saison. C'est la F1 Winter Series. C'est ça, mais rassurez-vous, nous serons là à la fin du championnat le 31 décembre, bien évidemment, pour fêter les champions en bonne et due forme. Non, mais merci. Intersaison de 4 jours. Bon, 4 heures, alors, puisque 4 le champion. Heures. Le champion a été couronné au terme des 12 points attribués aux essais libres 4 du 3e Grand Prix du Golf. Rigolez pas trop, ça va venir ça. Mais c'est ça le problème. Mais c'est... Heureusement que le slogan de Next Gen, c'est pas genre soyez toujours là avec nous dès que les points sont attribués ou quoi, parce que sinon on va faire vraiment bosser dès le jeudi, hein, parce que ça va être à l'arrivée du circuit. Ça. Il va y avoir des points. La meilleure déclaration, un point. La meilleure interview, un point. Mais ça va être. Pas de message politique, 10 points. il y aura quand même toute une réorganisation à faire au sein des pilotes, des équipes de com, ça, parce que. Ben voilà, rendez-vous compte. 70 ans de... Ah, mais vous savez, les points sont marqués le dimanche. Hein, donc... Mais non, les points sont marqués le mardi, le samedi, le vendredi, le jeudi, le tout le temps. Peut-être que dans 20 ans, on dira, vous vous souvenez, en 2022, il n'y avait que 22 Grands Prix, c'était vraiment le bon temps. Comme aujourd'hui, on dit, voilà, il y a 20 ans, il n'y avait que 18 Grands Prix. Et... Bah, 2022, 2023, normalement. 2024, 2025. J'ai pas hâte d'être en 2080 quand même. Là. Bon, je pense qu'on sera encore là. Mais... On sera plus là, je pense. Encore fringant, en tout cas. Alonso sera encore là. Bah, mais c'est ça. Oh non. Ouais. Avec son fils, son petit-fils, sa petite-fille, leur ami, voilà, ils seront équipe. Il n'y aura pas de. Non, mais franchement, quand on dira aux gens dans quelques années, mais tu te rends compte. Le mec qui badgeait le plus vite à rentrer du paddock, il marquait pas 5 points à l'époque. Ben non. C'est incompréhensible. Mais moi je. Mais tu sais, maintenant ils font les grills the grill, là ils doivent faire la taille des autres pilotes. Ça fera des points aussi. mais ça, moi je suis quand même très attristé parce que en gros, ça arrive, mais on sent que ça va encore prendre quelques années, tu vois, avant qu'il y ait vraiment des points partout tout le temps. J'ai vraiment peur qu'on attende la retraite de Valtteri Bottas pour attribuer des points en essai libre 1. Je me dis qu'Alexandre aurait pu être champion du monde quelquefois, donc c'est quand même c'est dommage. Je vois pas grand chose parfois, vous savez. Par contre, il faudra quand même réduire la valeur du point pour la FIA parce que sinon ils vont s'en mettre plein les fouilles. Hein. Max Verstappen doit payer 4 millions à la FIA maintenant. Ah bah oui, Vandal tout augmente. C'est sympa. D'ailleurs, comme on a appris d'après Helmut Marko que des chèques sont partis vers Paris. Vous avez encore une chance de les intercepter, bien évidemment. Je vais vous faire un joli cadeau de Noël. Chers amis, nous y sommes. Les fêtes approchent. Nous allons donc prendre soin de notre famille et des proches que l'on aime et que l'on chérit. Et puis surtout, on va vous dire merci pour cette belle année, parce que ce fut une très très belle année qu'on a passée à vos côtés dans le Grand Prix. Moi, je me suis régalé, que ce soit avec Franck, Manu, Paul, Alex. En plus, c'est bien, toute l'équipe est là. C'est quand même chouette. D'avoir pu réunir toute l'équipe sur cette dernière. Et puis merci au chat qui a été vraiment très sympa comme d'habitude. Vous nous aidez beaucoup. Et puis voilà, encore une fois, hein, c'est toujours très bien de faire des choses qu'on aime. Mais si on le fait et que c'est en plus suivi par des gens, c'est encore mieux. Et du coup, merci aux gens qui nous écoutent en podcast. Encore une fois, comme d'habitude, à mon avis, 92% des gens qui nous écoutent en podcast n'arrivent pas à ce moment-là. Mais donc, pour vous qui nous écoutez encore et qui êtes 3 personnes, bravo et merci. Et jetez un œil à la vidéo parce que vous verrez les guirlandes de Franck. Oui, là, il faut. Là c'est bon, franchement. Là, arrêtez de faire. Il y a un épisode à voir en visuel, c'est celui-là. Mais à part ça, je trouve que ce podcast sera très, très audible, en tout cas, parce qu'on a été plutôt sérieux. Et... Mais moi, je trouve que Grand Prix est globalement très audible. Et ça, ouais, c'est ça le souci de cette émission. Il va falloir y en 2023. De suite. Mais c'est vrai, mais c'est tout court. Mais on a été dans des. Enfin voilà, tu reçois des trucs, des Spotify Wrap, des machins. Vous êtes vraiment assez nombreux à nous suivre en podcast aussi. Donc c'est voilà, on est très contents d'avoir réussi à créer cette émission et à continuer, j'imagine, de la porter en 2023 avec grand plaisir, bien sûr. On arrivera, comme d'habitude, sur les rotules au mois d'août, mais vous en faites pas, on continuera et on poursuivra jusqu'au bout. Quand même. Comme tu dis, l'année prochaine, dans le nouvelle Masterclass, j'espère. Et oui, Laurent, t'as un sponsor avec Nicolas Sarkozy, tout à fait. C'est la grande annonce qu'on voulait faire. C'est Nicolas Sarkozy qui fera le générique et le sommaire de chaque émission. Ah, mais c'est politique, c'est il accueillera tout le monde un petit bonsoir et ce sera absolument ouais. Ce soir dans Grand Prix. Je reçois Franck. Bonjour Franck, comment allez-vous? Voilà. Là aussi, encore une fois, ce sera beaucoup moins sympa en podcast qu'en visuel. Hein. Il y a quand même des choses. Et puis rassurez-vous, si vous trouvez que voilà, nos petites sauteries du lundi ou du mardi soir vous manquent, eh bien, il reste encore deux Racing Café à vivre ensemble ces deux jeudis à venir. Là, autant vous dire que maintenant, ce jeudi, on ne sait plus de quoi parler, donc ça va être très bien. Puis il y aura les Racing Café Awards le jeudi d'après, donc ce sera extraordinaire. D'ici là, il va arriver dans l'émission. Casse-toi, Ocon. Oui, bah, exactement. Ça va être fabuleux. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Franck, encore une fois. Inclut toute l'équipe. Merci à toi, particulièrement, Michael, de nous accueillir. Notre Michel Drucker à nous, voilà. Formidable. comme je ne vous revois pas l'an prochain, c'est mon pote. Vous pouvez rester encore un peu Grand Prix. Non. Grand Prix reste, mais juste que là, Grand Prix prend des vacances. On reviendra avant les essais, hein, vous en faites pas. Avant le checkdown des essais du chat. C'est pas ça le checkdown cette année. C'est une comique façon. Dès mi-février, il y aura des présentations, donc ça va aller vite. Oui, le 13 février, Aston Martin. C'est la première date qu'on connaît. Ça va être merveilleux. Ça va être fameux. Ah, c'est... Fernando en vert. Je pense qu'on peut préécrire les communiqués de presse avec ça va être la super année, meilleure équipe de ma vie, super intégration. On peut préécrire les communiqués de la fin d'année aussi. Ça sera beaucoup mieux chez As. Oui. Une équipe qui monte. J'ai hâte de piloter la voiture blanche. Voilà. Nitram nous dit, et il n'a pas tort, donc le 12 février, As. Bah oui. Parce qu'une fois qu'on aura toutes les dates de présentation, As va lâcher 3 rennes de sa voiture un jour avant pour dire hé, on a été les plus rapides au moins sur un truc cette année. C'est quand même pas rien. Aura-t-elle marqué As sur les côtés? Suspense. On le saura bien assez tôt. Merci beaucoup tout le monde. Passez une. Très bonne fin de semaine, bonne fête à ceux qui bonne fête de fin d'année à tout le monde. Prix, puis, joyeuse fête. Ils ont raison. Joyeuse fête tout le monde. Profitez bien, soyez prudents et puis à bientôt. Ciao, ciao. Ciao. Bye bye.